vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan de cette semaine à Sondage Rookie. Tania nous fera un petit survol de l'actualité à sa façon dans Tania is Gonna Entertain Ya. On goûtera des saveurs mystérieuses dans notre segment alimentaire une grosse pointe d'adresse. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Sondage Rookie pour la semaine du 14 août 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ok, oui. En direct, barre oblique, ça dépend. Ça dépend quand vous écoutez. C'est ça. Dites-vous donc vos propres phrases vous-même à la place de vous fier sur nous autres. Exactement. Hein? Suffit. Oui, là, le tout cuit dans le bas, dans le bec. Là. Dans le bec. Hein? Comment ça va, Tania? Ça va très bien, toi? Oui, passez une belle semaine. Très belle semaine. Tu t'es remis du Grand Prix. Exactement. Deux petits jours de congé où j'ai pas vraiment été en congé, honnêtement. C'est ça, les jours de congé se font rares au mois d'août. C'est ça, exact. Ouais. De longues journées. Oui. De très courtes nuits. Ça ressemble à ça. Et en plus, hier, on a passé un petit peu la soirée ensemble. Oui, c'est vrai. Et ça n'a pas dormi pas fort. Dis de même, ça a l'air louche. Dis comme ça, Mathieu, ça a vraiment l'air louche. Mais non, ce n'est pas louche. Détrompez-vous. Mais non, on était avec des amis. On était voir une petite bière. Manger des Stuff McMuffins. Des Stuff McMuffins. À 10h30 soir, merveilleux. C'était parfait. Il était minuit, en fait. C'est vrai, minuit. C'est ça. C'est pour ça que je suis plus fatigué que je pense. Ben moi aussi. Bref, j'espère que les gens compatissent avec nous. On s'en fout un peu en même temps parce que tout ce qu'on veut faire, c'est se rendre heureux nous-mêmes. Exactement. Et rendre les autres heureux par le fait même. C'est assez difficile de pouvoir faire de la radio et de gérer une vie sociale en même temps. Absolument. Absolument. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour le négatif, on est là pour le positif. Et aujourd'hui, on a plein de bonnes choses pour vous, à vous mettre dans les oreilles directement le plus profond possible, contrairement à ce que les Q-tips vous disent de faire. Les Q-tips. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir ta chronique qui s'en vient. On fait deux fois, Tania. Oui, ben oui, deux tout chroniques. À fait. Qu'est-ce qui s'en vient? On va faire un survol de l'actualité du côté technologie un petit peu. Vous allez voir, on va avoir un peu sujet technologique. Un petit peu de sujet aussi Internet. Okay. Vous allez voir, c'est un peu ce qui a retenu mon attention durant les derniers jours, parce que je voulais pas nécessairement parler de nazis. Oui, ou d'attaques terroristes. Oui, c'est ça. Puis on sait que présentement, dans l'actualité, c'est pas mal la seule chose qui roule abondamment avec les gentilles paroles de Donald Trump. Alors, ça me tentait pas vraiment de faire un survol de l'actualité de ce côté-là. Je me suis vraiment penchée sur d'autres sujets. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, donc j'espère que vous allez trouver ça bon. Ben là. Puis sinon, on va parler un petit peu documentaire. Okay. Pas série télévisée, parce qu'on le sait, il y en a tellement des séries télévisées, mais des fois, on veut faire un peu changement. Donc, je vais vous parler de documentaire. Super. Dans deux chroniques de Tania is Gonna Entertain Ya. Oui. Ça m'a surpris aujourd'hui, pour ceux qui écoutent en direct jeudi, il y a eu une attaque terroriste à Barcelone, je crois, plutôt aujourd'hui. Il y en a à tous les jours. Mais c'est tellement rendu récurrent que les bulletins de nouvelles ont lieu quand même, ça parle de c'est Trump. C'est ça. Il y a deux morts à la suite de cet attentat-là aujourd'hui. C'est au Portugal, hein, si je ne m'abuse. Je me souviens plus je de la place. Je me souviens plus non plus. Mais je vais directement à la source. C'est drôle parce que ça vient de se passer et on n'est pas au courant. C'est parce à Barcelone, exactement. On n'a pas le temps d'écouter ces affaires-là. Bref, ça pour dire qu'on a... C'est 13 morts, Mathieu. On est passé de 2 à 13 en moins de genre 15 minutes. C'est la fin de l'émission, là. On dirait que c'est la nouvelle façon de faire des attaques terroristes. Une fourgonnette qui percute une foule. S'il vous plaît. C'est efficace. Arrêtez. S'il vous plaît. C'est... Non, on n'aime pas. On a l'air d'en rire, mais c'est pas le cas du tout. Faut rire si on veut pas pleurer. Hein. C'est ça. Ouais. Aussi dans l'émission d'aujourd'hui, nos chroniques maison, plein de belles chroniques comme Sex Mais ça ne répond là, avec des gadgets ridicules achetés sur Internet. On a les instructions d'assemblage avec des conseils de vie. Et enfin, l'émission, une grosse pointe d'adresse. Et je sais qu'on est en retard sur bien des gens avec cette chronique-là aujourd'hui, cette chronique précise-là. Ah oui? Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai achetées dans les dernières semaines que celui-là a pris le... Le bord. Le bord un peu, mais on va le faire en aujourd'hui. En bon français, et le bord. Peut-être qu'on va avoir du plaisir avec ça. On va savoir ça d'ici la fin de l'émission en troisième heure. Voilà. Mais débutons en musique avec une pièce que je dédie à nos semaines, Tania. À nos semaines? À toi et moi. Ça, c'est quoi? Ça sonne pas le temps de dormir? Ou c'est exactement ça! Que t'es une divine. Ben, je te jure, c'est par Forgotten Fix. Voici Insomnia. Assemblage requis sur C'est fou. Le pain FM. We'll be right back. Forgotten Fix avec Insomnia en 17e place anglophone, Mathieu, dans les nouveaux palmarès. Absolument. Pourquoi dormir quand on peut faire autre chose? Quand on peut écouter de la musique qui nous garde bien éveillés. C'est ça. Ou quelque chose d'autre de plus payant. Oui, justement, parlant de paye. Oui. Des fois, on est jeudi, pour ceux qui nous écoutent le jeudi. Oui, comme en ce moment, là. Comme mettons pour nous. C'est donc le jour où on s'achète des gadgets sur Internet. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Remarqué, j'ai vraiment le pouvoir sur les oiseaux. Je leur ai juste demandé avant l'intro de commencer à chanter plus fort, puis soudainement, ils sont montés. Ils sont arrivés comme ça en studio. J'ai essayé au doigt et à l'œil, c'est ça l'expression? Oui. Bref, ça ne devrait pas là, la chronique qu'on achète des choses sur Internet, commençant avec une ceinture intelligente. Hein. Oh, rien de moins. Il restait ça, là. Il y avait ça qui n'était pas encore rendu intelligent. C'est ça. Ouais. Donc, un accessoire connecté comme il y en a 1000, la ceinture maintenant équipée de capteurs, l'une des premières du genre est la Welt. On dit que parfois, certains projets publiés sur Kickstarter créent un véritable engouement, et le dernier d'entre eux est le Welt, lancé par une start-up rattachée au géant coréen Samsung. Le projet a déjà largement dépassé Samsung, rien de moins. Samsung, certains disent Samsung. Ah, c'est si t'as l'accent. Ben, je les juge un peu. Le projet a déjà largement dépassé son objectif de 30 000 $ US et il reste encore quelques jours à la campagne. Après la montre et le bracelet, Welt se présente comme une ceinture intelligente. Plusieurs modèles plus ou moins habillés sont présentés et semblent en apparence tout à fait normaux. Mais les ceintures embarquent plusieurs capteurs capables de mesurer le taux de taille, de compter le nombre de pas ou le temps passé à être resté assis. Mais c'est quoi, elle s'attache toute seule? Ben, non, elle fait juste une fois que t'es attaché. Elle reste attachée? Elle reste attachée, là. Puis elle va ben, savoir. C'est comme une bonne vieille ceinture. Ben à trous, oui. Là. Mais tu vas savoir que tu prends de l'ampleur. C'est vraiment le fun. C'est surtout ça. Ces données sont envoyées vers une application mobile pour iOS et Android permettant d'obtenir un suivi régulier. Welt annonce une autonomie moyenne d'une vingtaine de jours. Tu peux aller sur Kickstarter et chercher Welt de Smart Belt. Il y a une vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Allons voir s'ils ont atteint leur objectif. On peut précommander en ce moment et ils ont ramassé plus de 72 964 $. T'es-tu sérieux? US. Et ça a l'air vraiment, pour vrai, d'une ceinture absolument classique, même que, tu sais, les classiques cheap, que quand tu les enlèves et que tu les remets, ça fait une espèce d'encoche dans le cuir. Là. Ouais. Ça ressemble à ça, je trouve. Comme la mienne. Ben oui, ben c'est ça, mais il n'y a personne qui aime ça, ces ceintures-là. Ça fait des marques, on n'aime pas ça. Bref. Ouais, mais mets ton chandail par-dessus, pas personne ne veut les voir tes marques. C'est vrai. T'as raison là-dessus. Combien? Hein? Combien pour acheter une ceinture de même? Combien est-ce que moi je paierais ou combien est-ce que ça va coûter? Combien est-ce que ça va coûter? Parce que là, ils sont en précommande. Évidemment. Évidemment, donc ça va être moins cher que le vrai prix sur le marché. Hein? Pour l'instant, on est à 69 $ pour une ceinture. Pour le super. Ah non, oui, quantité limitée, il en reste 199, oui. 69 $ US. C'est la Well Casual, évidemment, Casual étant plus normal. T'as la classique, t'as la. La premium, bien sûr, à 129 $. Ah, ben oui, la premium, c'est quoi? Elle est faite de marbre? C'est exactement ça. Non, pour savoir que tu sais que tu que t'as pris du poids, c'est pas... C'est mieux. Tu te sens mieux avec toi-même après avoir dépensé 129 $ et savoir que tu prends du poids. Achète une balance. Oui, c'est ça. Ça va être mieux. Bref. Ensuite, ah, tu sais, quand tu vas à l'urinoir, Tania. Oui, je fais ça tous les matins. Quand tu vas à l'urinoir, il faut que tu te nettoies le... Hein? Ben oui, ben écoute... Selon ce que j'ai entendu dire... Je t'écoute. C'est bien ce que les gars font. Ouais. Est-ce que tu... Mais il y en a qui le font pas. Est-ce que les gars, habituellement, je sais pas, en général, est-ce qu'ils vont avec la méthode du shakeage ou avec un petit peu de papier? Je sais pas. Ça dépend du gars. Ouais, hein? Ouais. Moi, j'en ai connu que c'était le shake. Je pourrais aller plus loin que ça, mais je vais laisser faire les gags de ouais, mauvais goût. Ouais, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça s'appelle Urinary. Les connaissances de l'urinoir s'arrêtent ici. Surnommé Urinary 2.0, cet appareil est actuellement en cours d'élaboration et pensé par une équipe importante composée de biochimistes, de l'homme d'affaires Edward Gevorkian, de l'économiste Ivan Geiner et de l'entraîneur Miguel Angel Ventare. C'est lui qui a pensé à ça ce soir. Probablement. Le principe, c'est que les capteurs détectent le jet d'urine et une fois terminé, permettent d'envoyer de l'eau savonneuse durant 3 secondes. Il ne reste plus qu'à sécher la bête au cours du même laps de temps. La bête! J'aime le fait qu'il ait écrit la bête. 6 secondes sont donc indispensables au processus. Toutefois, votre joujou sera propre comme un sous-neuf, nous dit Uber Gizmo. Donc, une idée pour vos parties intimes. Y a-t-il quelque chose qui l'assèche comme qu'il sèche? C'est ça. Non, c'est toi qu'il faut qu'il fasse. Il ne reste plus qu'à sécher la bête au cours du même laps de temps. Ça prend 3 secondes pour sécher. Donc 3 secondes pour mousser, 3 secondes pour sécher. Sécher. Et après ça, tu remets les pantalons, let's go. Et voilà. Okay. Donc c'est sur ça coûte 680 000 $ US pour récupérer le brevet. Un jour, ça pourrait finir dans les commerces. Tu penses? Les commerces luxueux. Des bars. Des boîtes de nuit. Moi, je les mettrais dans les bars où les gens sont vraiment très peu hygiéniques. J'avoue. Au centre-ville, Trois-Rivières. C'est ça. Ensuite, on parle encore de quelque chose d'intelligent. Cette fois-ci, une bague discrète. C'est un bouton de panique, en fait. Un bouton de panique qui permet de discrètement envoyer un signal de détresse sans attirer l'attention. La bague vient avec un petit bouton qui donc envoie, qui alerte votre cercle autour de d'amis, vous, vos amis. Le cercle d'amis, exactement. Avec vos informations. Mais s'ils sont autour de toi, ils devraient le savoir. T'es déjà en danger, non? Come on! T'es tout le temps avec tes amis en permanence, toi. Ben, c'est sûr que si je sors, à moins que ça soit une date... Ouais. Il y a de fortes chances que je sois avec des amis. Ouais. Sinon, je sais pas avec qui je suis. Ben, ça pourrait être ta mère, ton contact d'urgence. Viens me sauver, maman. Je pense que ce serait plus le contraire. Ah ouais. Elle a beaucoup de dates. Hein? Viens me sauver, ma fille. Donc, quand tu appuies sur le bouton pendant 3 secondes, ça envoie ta localisation et tes informations de profil. Mais j'avoue que la bague est belle, elle passe inaperçue. Tu pourrais donner ça en fait à un adolescent. Oui. Ça ressemble à une bague d'émotion, là, comme on mentionne souvent dans cette chronique. Oui, c'est vrai. Ensuite, tu connais David Ferron, notre chroniqueur adoré, qui est tout le temps en train de bouger partout. Tout à fait. Bon, en train de prendre des notes sur mes chroniques. Oui, apparemment, tu as fait une chronique sur les relations... Sur le sens de l'orientation, la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Puis je viens de trouver une feuille avec plein de notes de ma chronique, mais pas écrites par moi. Et c'est clairement David. J'ai comme réalisé que c'est David qui avait pris des notes sur ma chronique. Peut-être qu'il pense qu'il y a un examen à la fin. Peut-être, je sais pas. Bref, il bouge beaucoup. Justement, bouger dans sa chaise pourrait recharger son téléphone un jour. Ah! Pour ceux qui ont la jambe qui bouge tout le temps, ça s'appelle... Hey, moi? Oui. Je suis tout le temps en train de me checker la jambe. Je faisais ça quand j'étais jeune, j'ai arrêté, je sais pas comment ça se fait. Et quand j'étais plus jeune, mes parents pensaient que j'avais toujours envie. Et ils me le demandaient. Tania, t'as-tu envie? Rien. Là, j'ai dit non, pourquoi? Arrête de te checker la jambe. Mais je suis pas capable. Ouais. Du moment qu'il y a du son. Mais c'est stressant d'avoir quelqu'un à côté de toi qui fait ça. Tu shakes de la jambe. Ouais. Au moins, tu tapes pas avec ton crayon sur la table. Non, ça, je suis pas capable. Ça m'énerve. Bref, ça s'appelle le Move. C'est une chaise avec des cristaux piézoélectriques sous son coussin, ce qui produit une charge électrique lorsque c'est comprimé. Juste en te levant ou en t'assoyant, en te balançant sur ta chaise, en bougeant en général, tu vas pouvoir générer assez d'énergie pour charger un appareil, selon Design Boom. La chaise est la création d'un designer hollandais, Nathalie Kugels, qui voulait trouver donc une façon d'utiliser son énergie nerveuse. Ah. Ouais, utiliser son énergie de façon positive, donc elle a créé une chaise où elle ne peut pas rester amorphe et où bouger est un must. La chaise Move, M-O-O-V, n'est pas encore disponible pour achat, mais Toogles a déjà travaillé sur un prototype avec une petite prise USB dans son le truc pour accoter ton bras. Une batterie, une pile cachée qui ramasse l'énergie même lorsque ton téléphone n'est pas branché. Et la chaise est quand même légère, nous dit-on. Il y a une petite vidéo de démonstration encore une fois sur assemblagerequis.com. Et le site web de Toogles est sur ntugles.tumblr.com si vous voulez avoir plus d'infos et de photos. Une montadine de bonne idée, ça. Ouais, pas fou. Ensuite, quand tu téléphones, justement, on reste dans le domaine des téléphones cellulaires, quand tu passes un appel, pour ceux qui passent encore des appels sur leur téléphone, des fois, il y a du vent. Tu fais pas ça? Rarement. Très rarement, les appels. Ah ouais? Non, mais pour vrai, tu sais, dans des événements, je vais te dire que parfois, je suis plus téléphone. Là. Ça presse, réponds-moi, tu sais. Ouais, je comprends. J'ai un collègue qui m'appelle des fois pour des problèmes, puis là, il me laisse un message sur ma boîte vocale, tu sais. Mais clairement, genre, les meilleures façons de me rejoindre, c'est comme, OK, Slack, Facebook Messenger, Twitter, courriel. Avant la boîte vocale. Et ouais, téléphone. Après ça, non, je pense que ça ferait comme signaux de fumée, canne de conserve, okay. Téléphone et boîte vocale. Ah, ouais. Ouais, en ordre de comment je risque de répondre. OK. À ton appel. Pourquoi? Je suis occupé. Tout le temps, quelque chose d'autre à faire. Ouais, OK. Puis renvoyer un appel, il faut que tu aies le temps, que personne soit autour, que tu appelles. Bah, ouais. Non. Ouais. Même s'il y a des gens autour. Je vais être trop techno, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Ou trop indépendant, ou trop sauvage. C'est ça. Hein? Donc, on parle de téléphone cellulaire et de bruit qui se passe pendant ton appel, que ce soit à la plage, sur un chantier de construction, peu importe, dans la rue. Donc, ça s'appelle le Windblocker. C'est une solution à ça. On met ça sur son porte-clé pour accès rapide. Cet accessoire-là va bloquer le bruit du vent et va t'assurer d'avoir une conversation claire lorsque mis par-dessus ton microphone. Donc, c'est un petit gadget qui va s'insérer comme un U par-dessus ton microphone de téléphone, cellulaire ou ta tablette. Parfait pour ceux qui veulent faire des appels à l'extérieur, ou peut-être dans la voiture, enregistrer de l'audio, vidéo, peu importe. Alors, on peut aller voir encore une fois une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. C'est un beau petit gadget. Je pense que la plupart des téléphones de nos jours ont au moins une certaine sûreté par rapport à ça. Oui, c'est vrai. J'ai jamais eu de plaintes, sûrement parce que j'ai jamais vraiment appelé à l'extérieur non plus. Oui, ça doit être ça. C'est parce que tu n'utilises pas ton téléphone, Mathieu. Non, au pire, mets tes écouteurs avec le petit micro proche de ta bouche. Oh boy. Non? Non. Ensuite, parlons de synesthésie. Tu connais la synesthésie un peu? Non. Non, ben c'est ce qui fait que tu ressens les... mettons, ça peut être... mettons que tu vois des couleurs, puis t'entends quelque chose, tu goûtes les couleurs ou tu goûtes les, okay, tu goûtes les oui. sons. C'est comme un sens que tu associes à un autre. C'est vraiment très, très mal expliqué. Là. Il y a une meilleure, un meilleur résumé sur Wikipédia. Mais ici, c'est un masque de synesthésie qui simule l'odeur des couleurs. OK. Hein? Donc, la majorité des gens utilisent 5 sens, un à la fois. Hein? Mais ceux qui ont la synesthésie peuvent vivre le monde différemment selon quelqu'un qui est lui-même atteint, pas atteint de ça, mais qui a ça. Hein? OK, parce que tu peux naître avec la fonction de savoir qu'est-ce qu'une couleur va sentir. Oui, comme Kanye West. Quoi? Kanye West est... la synesthésie. C'est vrai? Ouais, ça mélange des sens ensemble. Donc, tu peux voir la musique, goûter les peintures, des trucs comme ça. Goûter imaginer, les peintures? Goûter les couleurs, les peintures. Ah, OK. Je te jure. Bref, Zachary Howard, un ingénieur en aérospatial et personne qui aime l'art. Il est en fait Art Fellow dans une compagnie logicielle qui s'appelle Autodesk. Il a construit un appareil pour pouvoir vivre le phénomène lui-même. Selon Popular Science, le masque de synesthésie est porté en tandem avec un senseur au doigt qui peut détecter la couleur sur laquelle tu places ton doigt. Différentes couleurs sont programmées pour déclencher différents parfums. Howard a choisi du pamplemousse pour le rouge, le tea tree, c'est quoi un arbre à thé? De thé, ouais. Quelque chose de genre. Pour le vert, lavande, pour le bleu. Tout ça, n'importe quelle couleur. Pour le bleu? Ouais, pour le bleu. Oh non, hey, je veux honnêtement pas avoir cette espèce de don-là. Lavande, c'est mauve en plus, je veux dire, on peut choisir la bonne couleur. Puis déjà en partant, ma couleur préférée, c'est le bleu. Si ça sent la lavande, je refuse. Tu vas changer ta vie. Je change ma vie si j'ai ça, puis ça sent la lavande partout autour de moi. Si tu touches à une couleur qui est entre ces couleurs-là, il va y avoir un mélange d'odeurs régularisé par des ventilations et des moteurs à l'intérieur du masque. La version de Howard de ce masque-là donne une expérience limitée, mais le design laisse place quand même à une certaine personnalisation. Il y a même des instructions pour faire ça vous-même, étape par étape, sur instructables.com et regardez Howard tester ça dans une petite vidéo sur le site de l'émission. Ah mon Dieu! Ensuite, là, on va dans le domaine du un petit peu plus kinky. On aime ça un petit peu plus kinky une fois de temps en temps. Hein? C'est, ouais, je sais, c'est un objet. Ouais, c'est un objet que tu. dans le foot-foot. Tu l'insères dans le foot-foot. Ouais. C'est une boule en 8 magique pour savoir. Pour avoir les réponses à tes questions. Donc, le. Mais magic... tu peux pas regarder. Non, tu peux le faire regarder par quelqu'un d'autre. Ah non, mais c'est dégoûtant. Le Magic 8 Ball Butt Plugs. Les parents peuvent inventer une histoire pour leurs enfants si jamais ils posent des questions. c'est par vendeur sur Etsy. Est-ce qu'il est 14h l'après-midi et qu'on est l'été? J'ai dit à mes nièces qu'ils pouvaient écouter. T'sais. Fait que, maman. Il y a d'autres aussi qu'on a su qui étaient quand même jeunes oui, qui nous écoutaient. De nouveaux fans de l'émission, apparemment. Fait que c'est ça. Prochaine fois, Mathieu. Inventez ça, inventez quelque chose. C'est comme pour avoir une queue de lapin. Super cute. Avoir une queue de lapin. Magic 8 Ball Butt Plugs. C'est ça. On sait pas trop plus de détails comme ça, mais que ça, mais ça rentre là. Pis ça... Mais tu poses ta question, t'as shake. Et ça te donne une réponse. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, tu pourrais peut-être t'endormir. Hein? Donc, endormez-vous dans la cuddle chair. Est-ce que t'es une de ces personnes-là qui peut s'endormir à peu près n'importe où, à n'importe quel moment? Ouais. Donc, c'est pour toi. En fait, c'est pour le contraire. C'est pour ceux qui sont pas comme toi. OK. C'est plus pour les gens comme moi. Donc, sont pas capables. Sont pas capables. Donc, Boeing a breveté un appareil pour faire des siestes. Donc, c'est Patent Yogi qui nous rapporte ça dans une petite vidéo animée. C'est la Cuddle Chair sur laquelle on peut comme tomber pour s'endormir. Donc, quand tu ne l'utilises pas, la Cuddle Chair peut être mise en dessous de ton siège, par exemple en avion. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va devenir réalité. Mais comme on peut le voir dans la petite vidéo, les gens sont, à la place d'être couchés par en arrière, se penchent par en avant. Okay. Et il y a comme un truc qui te retient à ton siège en arrière et tu mets face première dans un coussin et donc tu vas tomber endormi par en avant et ça va te tenir dans ta chaise. J'ai vu ça sur Facebook récemment. Okay. Est-ce que je l'explique plus ou moins correctement? Oui, c'est comme un coussin, en fait, que tu gonfles sur Facebook. C'est un petit peu la même fonctionnalité, je te dirais. C'est comme un sac à dos, presque. Ouais. Attaché à ton siège d'avion. Et quand tu le développes, tu te fous la tête dessus. Parce que pour vrai, dormir penché par en arrière, ça marche pas pour moi. Mais penché par en avant, j'aurais mal dans le cou à un certain moment. Probablement, ouais. Sûrement. Mais en même temps, l'alternative, c'est ne pas dormir, hein. Mais je pense que l'alternative, c'est de te craquer le cou une fois que tu te réveilles. Ouh, c'est dangereux, ça. C'est pas grave, ça fait du bien. Tu vas devenir paralysé un jour, t'as Mais Kiro aime pas ça quand je le fais, mais c'est pas grave. Ouais, elle t'a fait signer une décharge disant que tu vas peut-être être paralysé un jour ouais, aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça. Ensuite, on a parlé beaucoup de choses intelligentes jusqu'à maintenant. Continuons avec les smart leggings. Ben oui, rien de moins. Même les leggings sont beaucoup mieux avec du Bluetooth. Youpidou! Donc, Like a Glove, c'est une paire de leggings intelligents qui aide les femmes, ou peu importe, à trouver la paire de jeans parfaite en une fraction du temps. Vous les mettez, vous les allumez, hein, allumez votre paire de leggings. Vous tapez le bouton Measure dans l'application sur iOS ou Android. Vous restez debout pendant 5 secondes de suite et les leggings vont prendre tes mesures et envoyer les données à l'application via Bluetooth. Donc, accompagne ça de ta ceinture, tu vas avoir ton tour de taille et ton tour de jambe. C'est merveilleux. L'application utilise les mesures ensuite pour faire une recherche dans une base de données de jeans qui coûte environ 50$ US et plus, qui vont être parfaits pour votre grandeur et votre taille. On peut ensuite choisir le magasin qu'on veut. Donc, Like a Glove envoie des liens vers les sites web des manufacturiers où on peut acheter directement, donc pour économiser un petit peu d'argent versus les grandes chaînes. Tu peux même utiliser une paire de Like a Glove leggings pour chaque personne dans ta famille ou tes amis. Et avoir plusieurs profils, se déconnecter et inscrire un nouvel utilisateur. Les leggings sont one size, comme on appelle. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'à 58 pouces, 150 cm de tour de taille, 28 pouces de cuisse et 55 pouces de l'entrejambe, hein, comme on appelle. Oui. Donc la version, on dit qu'il y a une possibilité qu'ils vont offrir une version smart legging pour aller plus gros que ça, évidemment s'ils veulent percer le marché américain. Hein. On peut précommander votre Like a Glove Smart Legging pour le bas prix de 49$ US en précommande, 100$ US au Pro. Oh, quand même, c'est déjà sorti. Mais quel vieil article, c'est déjà sorti. Comment ça fait que j'ai un article de décembre 2015? Mais c'est quand même bizarre. Hein? C'est quand même bizarre, je trouve. Oui, c'est une drôle d'idée, mais en même temps, t'as pas apporté ça en public au moins. Oui, au moins. Pourquoi le carré orange directement sur son... Je peux pas vraiment te demander. Tu peux pas me le demander, je sais clairement pas. Hein. Ensuite, on a parlé de dormir une fois de temps en temps au bureau. On a déjà parlé du fait que prendre une sieste au bureau dans une aire ouverte, quelque chose comme ça, ça peut être difficile. Donc voici l'Igloo Dome Pillow qui coupe le son et la lumière, peu importe où vous êtes. Ah, ça c'est fun! Vraiment cool, ça élimine presque tout. C'est construit d'un matériau absorbant le son. C'est une tente oreiller avec une absorption sonore d'environ 126%. Fait que je pense que ça te redonne du silence de plus que ce qui existe. Ouais, ça réussit à couper environ 99,9% de lumière. C'est un dôme de silence et de noirceur pour s'endormir pour une petite sieste loin du monde si encombrant. Mais moi, j'ai toujours vécu dans le minding que si t'es au travail, tu peux pas faire de sieste. Ouais, mais c'est... Ouais, je comprends. Mais si, mettons, t'as deux jobs... Et pas de temps entre les deux faire une sieste, mettons. Ouais. Trois jobs, mettons. T'sais, ça pourrait être pratique ce soir. Ça te prend absolument une pause. Ça te prendrait une pause. Ouais. Tu sais, tu le fais pendant ta pause. Oui, ben oui, ben oui, mais j'ai pas dit de dormir au bureau, okay. Là. Dors pas sur ton bureau. De toute façon, hein, c'est fait pour dormir à terre. OK. Ensuite, on reste dans le domaine des siestes avec le Emergency Nap Kit qui peut être très utile pour bien des gens. Il y a des jours où on peut pas garder les yeux ouverts. C'est une petite boîte cachée dans une bibliothèque ou peu importe. Là, ça ressemble vraiment à un kit de premiers soins, je dirais. Et à l'intérieur de la boîte, il y a un matelas gonflable avec un sleeping bag grandeur corporelle avec des manches comme un snuggie. Mm-hmm. Le sleeping suit peut aussi vous réchauffer lorsque l'air climatisé du bureau est trop froid. Il y a des photos ça, sur le site. Ça, hein. Là, à la station de radio, il fait extrêmement froid. Tu trouves? J'ai encore chaud. Là. Tantôt, je disais que j'étais bien. Hein. J'ai encore chaud. Mathieu a tout le temps chaud. Fait quoi, 24? C'est chaud, ça? Mais pas dans le studio, mais dans les bureaux. Ah, ouais. C'est très, très froid. Bref, venez nous rendre visite, mais collez-vous pas trop sur la vitre, s'il vous plaît. 45$ et 29 US. Le petit gars tantôt. Ensuite, on vise personne du tout, sauf non, les gens qui se sentent vraiment visés. Pas. Exactement. On a déjà parlé de tes veines, je pense, Tania. Oui. Je suis très, très intéressé par tes veines. Oui. Est-ce que c'est facile de te piquer les veines? Mes veines sont extrêmement faciles à piquer. Bon. Je me suis déjà fait dire par une infirmière que j'avais des veines de junkie parce qu'elles sont extrêmement faciles à trouver. Wow! C'est pas nécessairement un compliment. Hein? Non, c'est ça, je sais comme quoi. Depuis ce temps-là, ça met du fond de teint ses bras, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, on peut facilement trouver mes veines. Oui, je regarde ça, j'y vois. Ils sont en effet très, très bleus perçants. Oui. Ouais. Bref, c'est pas parce que je suis pas bronzée, c'est pas parce que j'ai la peau extrêmement claire. Là. C'est, j'en ai vraiment aucune idée. On voit vraiment bien mes veines. C'est que t'es un lézard. C'est ça l'affaire. C'est que je suis une mutante. Et voilà. Donc, bref, ça s'appelle le Vain Viewer Project. Voilà. Ça s'appelle Vain Viewer, qui projette tes veines sur ta peau pour que les médecins ne manquent pas les veines. C'est quelque chose qui fait son entrée sur le chemin de la médecine, en effet. Donc, c'est développé par Christie Medical Holdings. C'est une compagnie, donc ils utilisent une lumière near infrared, donc presque infrarouge, pour détecter la localisation des veines du patient. Et ensuite, on projette ça sur la peau en temps réel. Donc, les médecins, les infirmières ne manquent pas leur coup. J'ai déjà raconté, je crois, 3-4 fois mon anecdote sur l'infirmière qui avait piqué ma veine directement sur la veine. Donc depuis ce temps-là, mon bras est super sensible. Je t'ai déjà raconté ça, ça fait peur. Oui. J'ai pas redonné de sang depuis et je frotte mon bras là puis je le sens. C'est pas super le fun. Bref, de l'allodynie qu'on appelle. Il y a une page Wikipédia si ça vous intrigue. Vain Viewer, voilà. Vidéo encore une fois sur le site. Mathieu, j'ai reçu un nom de lézard, sache-le. Un nom de lézard? Pour moi. OK, ben il va falloir que tu le partages, vu que t'en parles. Si on se fie à le nom que je viens de recevoir, c'est Taniazurus. Taniazurus. Ouais, c'est mon nom de lézard. Moi, je vais t'appeler Junkia, comme... Junkie, attends. On dirait que j'aime mieux le nom de lézard. Tania, des fois, tu... je sais pas si t'es comme moi. Je sais pas. Des fois, tu peux peut-être t'accrocher à des gens. Je veux pas te faire pleurer, non? Mais ça se peut accrocher à quelqu'un des fois. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, oui. Et des fois, tu t'ennuies de cette personne-là et tu aimerais pouvoir câliner la personne, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Ça dépend à qui. Ça dépend à qui. J'aimerais beaucoup prendre ma grand-mère dans mes bras. Oui. Je suis une personne pour qui j'avais beaucoup d'affection et malheureusement, je l'ai perdue. Oui, parce qu'on parlait de celle-là, évidemment. Est-ce qu'elle portait des chemises? Elle portait beaucoup de vestes. Ah oui? Bon. Oui. Bref, tu pourrais changer son chandail ou sa chemise en oreiller que tu vas pouvoir câliner. Ça s'appelle... Ah, ça, c'est merveilleux. Ouais, c'est la compagnie Fabratastic qui fabrique et vend des coussins mémoire, des oreillers faits à partir de vêtements d'être cher. Chacun vient avec un message brodé dessus. Par exemple, celui-là dit « This is a shirt I used to wear. Whenever you hold it, know I am there. » Oh. Hein? C'est un chandail avec une chemise que je portais et quand tu le rends dans tes bras, tu sauras que je suis avec toi. Avec amour, grand-papa, XX. C'est bien, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime l'idée derrière tout ça. Ouais. Mais faut absolument que le chandail fit avec ta décoration, non? C'est donc bien superficiel. Ben moi, ça serait mon genre. Ouais. Ouais, $30 US. Ensuite, on mélange le travail et les jeux avec des cahiers de notes qui servent aussi de raquettes de tennis. Ah, oh, mon Dieu. Ah, c'est pas génial, tu vas à l'école, là. C'est pas pour jouer au beer pong. Au Mississippi. Au ping-pong sur ta table. Donc, un ensemble de cahiers qu'on peut utiliser pour jouer au tennis de table. Chaque ensemble contient 3 cahiers. 2 cahiers qui sont des raquettes et 1 cahier qui sert de filet. Celui qui est raquette, un pad de caoutchouc, pareil comme les raquettes de ping-pong, et celui avec un filet dessus, ben, est de grandeur standard pour le sport. J'aimais beaucoup plus jouer au hockey pichenotte. Oui, ben oui. Avec une boule de papier. Plus facile. Évidemment. Plus facile. Chaque carnet contient 100 pages pour prendre des notes. Les cahiers viennent ensemble à $20 pour l'ensemble US sur Soc UK. Si on achète ça, donc vous allez pouvoir jouer peut-être au bureau avec vos collègues. Wow. Hein? Ensuite, une valise, tiens, qui sert aussi de... bouclier par balle, ouais. Ben, rien de moins. Ouais. C'est merveilleux pour les États-Unis. C'est ça, ça vous protégera peut-être pas des camions, mais bon, c'est difficile de nos jours, hein. C'est c'est difficile. On peut pas en rire, Mathieu. Ouais, je sais. Depuis tantôt qu'on en rit, c'est un sujet trop sérieux. Absolument. Mais ça, je vais t'avouer que c'est assez... Je suis si pas correct. Donc, c'est une valise qui va vous permettre de vous protéger. C'est le MTS Multi-Threat Shield Briefcase qui ressemble à un sac de portable jusqu'à ce qu'on ait besoin d'arrêter des balles. Ensuite, ça devient un bouclier qui va vous protéger des balles de fusil, des couteaux, même des attaques physiques. Un bouclier de 3 pieds de long. Ça, évidemment, c'est lourd parce que c'est un bouclier quand même. Mais ça oui. pèse 8 livres. C'est pour les agents doubles. Absolument. Ça coûte $900 US. C'est pour c'est les ça, gens... C'est ça, c'est juste ceux qui peuvent lâcher. Ceux qui transportent des trucs top secrets. Là, c'est ça. Je pense. Tom Cruise dans le prochain Mission Impossible va en avoir un. Voilà. Ensuite, le Steady Laser. Quand tu as un pointeur laser pour ton chien, bah oui. Je ne joue pas avec des lasers pour mon chien. T'es pas supposé le faire non plus, c'est pas c'est correct. C'est ça, je me suis toujours fait dire que je joue pas avec des lasers devant les animaux. Absolument. À part les chats. Tu vas percer les yeux de quelqu'un, tu vas faire des accidents d'avion, puis tu vas rendre c'est ton ça. Animal beaucoup trop excité par sa propre queue. Que je veux pas faire ça. Non. Donc le Steady Laser, c'est un pointeur laser en fait qui ne tremble pas même lorsque vous tremblez. Ah, wow. Ça a toujours été un grand problème dans ma vie là, quand je pointe au laser puis ça se met à shaker. C'est ça, là, ça se met à shaker. Lors de, plus capable. Je sais pas, de conférences que je donne partout dans le monde. Donc, ça coûte 150 $US. C'est le Steady Laser qui incorpore une technologie similaire à celle qu'on trouve dans les caméras numériques avec stabilisation optique. Donc, le mécanisme inclut un gimbal. Ah, OK. Gimbal. Oui, oui. Ouais, équilibré sur deux axes, soutenu par des bearings. Des bearings, c'est ça? Bref, c'est stabilisé avec un aimant puis des affaires comme ça. Je connais absolument rien là-dedans. Mais plus loin vous êtes de votre écran de présentation, plus votre shaking, habituellement votre tremblotement va être amplifié. Et puis le Steady Laser, dans le fond, va essayer de contrer ça. Les gens, évidemment, vont peut-être avoir de la difficulté à payer 150$ pour quelque chose qui en vaut 5 habituellement. Mais si c'est stable et que vous faites beaucoup de conférences, achetez-vous une baguette. C'est ça, hein? Tiens, pour vrai. Comme dans le bon vieux temps où les professeurs avaient ça. Des baguettes avec un petit embout en plastique. Oui, là. Puis des acétates. Ben c'est ça. Ils frappaient au tableau. Wow, t'avais un prof violent. On a... C'était un frère, hein, ton... Non, du tout. J'avais des professeurs extrêmes. Ouais. Ça a fait une élève extrême. Compact Kickstarter, il demande 150 000 $ US. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu du succès? On va aller voir en direct s'ils ont eu du succès. J'espère pas. Vraiment, vraiment pas. Ils ont ramassé 1 797 $. Qui a besoin d'un laser aujourd'hui? Pour vrai, les seuls, ce serait les conférenciers. Oui, mais même mais à ça... 150 000 US et 150 $ par appareil. Hey, voyons non, donc. Non, c'est beaucoup trop. Voyons donc. Ensuite, tentons de parler d'une valise qui servait de bouclier. Parlons maintenant d'une carte de crédit qui fait aussi office d'une hache. Rien de moins. Pourquoi s'en priver? Hey. À la MacGyver. Ah. Hey, hier, je me sentais tellement comme MacGyver. Avant de m'en venir, je me suis coupé les ongles. OK. T'sais. Parce que, tu sais, hein, quand tu passes la soirée avec une jolie femme, hein, ouais. Faut que tu te coupes les ongles. C'est j'ai ça. Oublié un ongle. Tu parles de qui, là? Personne. J'ai okay. oublié un ongle. Ouais. Et je me le suis rongé. Okay. Et j'ai réussi à l'égaliser avec mon portefeuille. Je me sentais pareil comme MacGyver. Oh, wow. C'est incroyable. Hein? Tranche de vie. C'est ça. Bref, Tactical Credit Card AX. C'est un morceau de métal qu'on peut mettre dans son portefeuille. On peut aussi l'attacher à un morceau de bois et changer ça en hache. Mais pourquoi? Parce que t'aurais du bois. Pourquoi est-ce que t'aurais besoin? J'aurais pu hacher mon ongle. Ah, OK. C'est de l'acier inoxydable 304,12 gauge. Ben oui. Ouais, 21 fonctions séparées. C'est donc un multi-outil. Tout ça pour 30 $ US. Mm-hmm. Tu peux limer les affaires, tu peux dévisser des boulons, tu peux ouvrir une bouteille. Je pense que tu pourrais te peigner les cheveux avec ça. Ensuite, le Pocket Shot, un nouveau genre de slingshot. Apparemment, les gens voulaient innover un peu dans le domaine des slingshots. Donc, le Pocket Shot, c'est une nouvelle façon de penser au concept. On a, à la place d'avoir la forme en Y comme d'habitude, on a un anneau de plastique avec un sac de caoutchouc attaché. Donc, tu lâches ton projectile dans le sac de caoutchouc. Tu tires le sac de caoutchouc et tu tires via le... L'anneau, ouais, c'est ça exactement. Sur la cible, on dit que tu vas pouvoir aller 2 à 3 fois plus rapidement le tir versus un slingshot. Ça peut aller jusqu'à 350 pieds par seconde. On dit que ce n'est pas un jouet et on limite la vente à ceux qui ont 18 ans et plus. Tu reçois 2 versions du sac, un régulier et un pro, avec différents poids et différentes vitesses de projectiles. 25 $ pour l'appareil principal et 2,50 $ pour un sac. Il y a même un attachement, un capuchon. Avec lequel on peut tirer des fléchettes. Ben voyons donc. Je te jure, c'est polyvalent. Mais pourquoi? Ben là, pourquoi? Ça pourrait devenir un nouveau sport après le Ultimate Frisbee, là. Ah non, je suis pas certaine. Là. Le lancer du slingshot, là, ça fera pas les Olympiques en 2042, hey, ça là. Ils peuvent mettre les jeux vidéo aux Olympiques, ils peuvent mettre le Pocket Shot. C'est vrai? Ouais. Ils pourraient aussi mettre le Pocket Hole, aussi les produits genre les infopubs. Écoute, on en reparlera une autre fois. Ensuite... quand tu tapes, des fois, on t'entend un petit peu en arrière-plan taper. Oui. Je remarque ces affaires-là, moi. Ça dépend si j'ai des ongles ou non. C'est ça. Mais des fois, tu sais, la fin de la phrase, mettons, quelqu'un te stalke sur Facebook ou dans la fenêtre du studio, whatever. Ouais, c'est ça. Whatever. Exact. Et là, tu veux faire enter. Fait que des fois, tu vas faire, tu veux vraiment, tu sais, enter, bang. Oui. Bon, ben imagine si t'avais un enter qui pouvait supporter autant d'abus. Ça serait merveilleux. Génial. Hein? Donc, pour un petit peu de ponctuation à la fin de votre phrase, le point enter. Ou encore si votre site web se charge pas assez rapidement. Oh mon Dieu. Ça peut arriver. Donc, pour sauver votre clavier, vous pouvez acheter le Strong Enter Key. Strong Enter Key. C'est une touche Enter à part, branchée en USB dans votre ordinateur. Et quand tu frappes dessus, ça fait Enter, c'est tout ce que ça fait. Super gros, fait de matériaux super solides, nous dit-on. 2500 yens, environ 21$ US. Et c'est écrit en gros dessus, Strong Enter, oh, ouais. Avec deux points d'exclamation. Ça va faire jaser. Et en plus, j'allais dire que le gars était super obsessif compulsif parce que la touche Return est exactement centrée sur son clavier. C'est vrai. Mais son ordi est croche. Oh non! Ça défait l'image. Ouais. AssemblageWiki.com pour voir de quoi je parle. Et pour terminer... Les produits électroniques que tu utilises, des fois, tu viens d'accumuler de l'électricité statique en penchant oui. sur un tapis ou en te plaçant la main dans les cheveux, flatte ton chien, je sais pas. Et tu veux protéger tes appareils électroniques. Donc, maintenant, on a la compagnie Rainbow Technology Corporation qui nous sort la lotion pour les mains anti-static. Ouh! Ouais. Donc, j'aime ça. Il y a des gens qui prennent vraiment beaucoup d'électricité. On a un ancien collègue ici, et même je pense qu'il y a un collègue qu'on a en ce moment, quand il se lève des fois de sa chaise, ça fait éteindre un appareil à côté de lui. Et notre ancien collègue, lui, ça faisait redémarrer son ordinateur à chaque fois qu'il se levait. Et mm-hmm. dans le studio ici, on a un autre animateur que l'ordinateur gèle ou quelque chose comme ça à chaque fois. C'est d'électricité statique, ça arrive avec votre manteau l'hiver surtout, des trucs comme ça. Donc, lotion pour les mains, Anti-Static Hand Lotion de Rainbow Technology pour protéger vos appareils. On dit que c'est une lotion pour les mains non contaminante qui contient aucune lanoline, aucun silicone ni huile minérale. Donc, ce qui va, ces choses-là pourraient empêcher, nuire à vos composantes. Voilà, ça ne laisse aucun résidu. Et puis ça a aucun... bref, le reste, je comprends pas trop ce que ça veut dire, les organic compounds, je suis pas un scientifique quand même. Il y a des ingrédients naturels, donc de l'aloès, vitamine A, vitamine E, il y a un mélange de... comment on appelle ça? De moisturizers? Des... pas des humidifiants, comment on appelle ça? Oui. Ouais, c'est ça. Hein? Oui. Bref. Pour rendre vos mains plus douces sans contaminer votre équipement. Et ça peut même améliorer le contact avec les wrist straps, les bandes qu'on met sur la main. Oui. Branché à du métal, par exemple. Donc, c'est fait pour les techniciens professionnels. On peut commander ça sur Rainbow Technology. RainbowTechStore.com. Voilà. 3,80$ pour une bouteille de 8 onces. 45,61$ pour un emballage de 12 bouteilles. Hey, si vous, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de lotion à main. Oui, on pourrait en faire beaucoup des choses avec cette lotion à main-là. Oh mon Dieu. C'est de l'antistatique. Antistatique. Voilà, et expliquez ce gag-là à vos enfants avec d'autres essayez, termes, s'il vous plaît. Oui, essayez, du moins, essayez. Faites attention. Voilà, c'est tout pour ça. Ça ne devrait pas. On l'a, les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission 11-18. Voilà. On prend une pause. On est dû. On est toujours dû. Cette chronique-là dure toujours beaucoup trop longtemps. On revient avec plus d'assemblage requis. Restez là. Ouh! Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Bonjour, Assemblage Hockey pour la semaine du... on était quoi? J'ai dit 15 août, hein? 14 août. 14 août, 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, Mathieu Plante, qui va peut-être tomber mort là, d'ici la fin de l'émission d'épuisement, ça pourrait arriver. Peut-être. Ça va faire la bonne radio. Peut-être que les deux, on va mourir d'allergie, en fait. Ah, c'est vrai, peut-être, hein, la gorge et le nez, ça. Oui, ouais. C'est ça. Vous savez de quoi on parle. Vous entendez toute la différence. On est nasillards aujourd'hui, je pense. C'est ça. c'est à ton tour, Tania, je pense. Mais oui, tout à fait. Oui, c'est Tania is gonna entertain ya qui commence à l'instant. Je pense que je suis un petit peu lent rendu à ce moment-ci de la journée, je pense, côté technique, mais bon. Tania is gonna entertain ya maintenant. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Tu me regardes drôle. Mais non, du tout, ça avait aucun rapport. Ah ok, parce que je la chante à tous les jours, sois pas surprise. Exactement. C'est ça. On parle, pour commencer, de choses qui ont retenu ta attention. Oui. C'est-à-dire ton bulletin de nouvelles à ta façon, Tania. Tout à fait. On disait que tout à l'heure qu'on n'allait pas parler de Charlottesville. Mais? Parce que tout ce qui s'est passé. Mais! Oui, exactement. Il y a un gros mais. En fait, c'est qu'il y a tellement de haine présentement qui découle sur les réseaux sociaux, sur les salles de nouvelles, les bulletins de nouvelles, tout ça, par rapport à Donald Trump qui est sorti un petit peu trop tard par rapport à tous les événements qui s'étaient déroulés. Même s'il dit qu'il a fait ça vite, là, on parle de genre 45 heures. C'est ça, exactement. Pas ça, c'est pas très, très vite pour le président des États-Unis. Surtout qu'il est sur Twitter à 5 heures du matin. Ben, c'est ça. Et que les gens se promènent dans la rue avec des drapeaux de nazis et ouais. Le signe Mais il y a des bien bons, mais... des bonnes personnes là-dedans. Hein, c'est ça, exactement. Ils étaient pas tous des mauvaises personnes. Mais non. Selon Donald Trump. De bons nazis. C'est ça, exactement. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose qui est ressorti de tout ça, qui est un petit peu positif. En fait, peut-être que ça va en faire grincer des dents parce que, bon, il y a quand même un certain pourcentage de la population qui ont voté pour Donald Trump, ouais, rappelons-le. 34% quelque chose aussi. Exactement. Mais il y a une citation de Nelson Mandela qui a été tweetée dimanche par nul autre que Barack Obama. Oui. Et c'est devenu le tweet le plus aimé de l'histoire du réseau social. Numéro 1. Numéro 1. Donc, pour tous ceux qui étaient un petit peu tannés de Barack Obama il y a quelques temps et qui ont décidé de voter pour Donald Trump, voyez donc en quelle situation nous sommes présentement. Parce que j'ai vu que son tweet est en deux parties. Est-ce que la partie 2 a moins de... En fait, le tweet, c'est par nombre de caractères, donc automatiquement, ouais. C'est parce qu'il y avait trop de caractères dans la citation. Mais ça voulait dire « Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de ses origines ou de sa religion. » Ça a été écrit dimanche par le dernier président noir des États-Unis, oui. Rappelons-le. Donc, c'est, on voulait un petit peu sympathiser face à la grande situation néo-nazie là, qui grande manifestation anti-racisme la veille à ouais. Charlottesville en Virginie. Ça le fait quand même parler. Et mercredi à 7h, bien, le tweet avait été liké vraiment beaucoup de fois. Les abonnés avaient coché, en fait, un petit cœur au bas du tweet. Là. Ça, on a un petit peu changé... Twitter, ouais, là, c'est devenu un peu comme Facebook ouais. Par rapport à ça. C'est 3,1 millions de fois et ça a été retweeté 1,3 million de fois. Wow! C'est merveilleux. Barack Obama, par la suite, s'est exprimé aussi sur le sujet, beaucoup plus rapidement que Donald Trump, oui. En passant. il a dit que cette citation-là du grand résistant avait été illustrée d'une photo du 44e président des États-Unis qui souriait justement à 4 enfants, dont une petite fille noire, un bébé tout blond qui regardait par une fenêtre et bon, lui était de l'autre côté. Donc, on voulait tout simplement symboliser le fait que personne ne devait saillir. Et M. Obama a également publié un petit peu plus tard le reste de la citation de Nelson Mandela, justement, dans deux autres tweets sans photo et qui ont eu pas mal moins de succès. Ben oui, c'est peut-être par rapport à la photo que ça a attiré les likes, mais bon, les gens doivent apprendre à haïr s'ils peuvent pas... ils doivent désapprendre à faire à haïr s'ils ne savent pas comment vivre. Absolument. Voilà. Et notre imbécile en chef, premier président orange des États-Unis, a lui tweeté une photo d'un train qui fonce sur quelqu'un de CNN. Quelques jours après... Le truc au camion. Oui, ouais. Et la Maison-Blanche s'est bien évidemment prononcée sur ce fameux tweet ou retweet, là, en ouais. Fait, de la part de Donald Trump. Ouais, et ils ont dit que c'était quelque chose qui avait passé inaperçu à la Maison-Blanche. Oui. Mais vous êtes tous en train de regarder ses faits et gestes. C'est, ça, c'est le président des États-Unis, c'est votre job. Ouais. Comme, fait que du moment que votre président retweet quelque chose comme ça, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, l'arrêter? Attends. Les réseaux de nouvelles sont. Aussitôt qu'il y a un tweet, instantanément, ça apparaît à l'écran. Exactement. Là. Il y a des gens qui sont payés pour vérifier ce qu'ils tweetent. Si tu vois qu'il vérifie, tu sais, qu'il tweet ça, peux-tu l'appeler et demander qu'il l'enlève? Je sais pas, tu sais. En tout cas. On voulait pas en parler, non. Mais on en a parlé finalement. C'est sûrement des nouvelles plus alternatives que celles-là. Exactement. Bien, Mathieu, automatiquement, il faut absolument que je parle de voiture si on parle d'actualité. Et on va parler de voiture, mais avec Skype. Hein? Je sais pas si tu es au courant, mais Skype a décidé de faire son entrée dans l'automobile. Donc, BMW et Microsoft ont annoncé un petit peu plus tôt ce mois-ci une nouveauté qui est quand même assez particulière pour le système d'infodivertissement des futurs modèles de la marque allemande. Ça va s'appeler Skype Enterprise. Donc, c'est une fonction qui s'adresse aux gens d'affaires sur la route, ceux qui sont soucieux aussi de ne pas rater une réunion, par exemple, d'équipe. Donc, l'intégration de Skype Enterprise va se faire à même le système qui est multimédia iDrive de BMW qui est déjà en place. Ça va automatiser certaines fonctions aussi du service de messagerie et de conférence numérique. Donc, tout ça, c'est pour faire en sorte que si on se retrouve dans une voiture, qu'on puisse quand même ne pas manquer un début de réunion ou quelque chose et qu'on puisse le faire à même à bord sa voiture. Donc, le système va émettre une alerte annonçant qu'une rencontre va avoir bientôt lieu, après quoi ça va être possible de se joindre à la téléconférence directement à l'intérieur de la voiture. Et une fois l'heure de la rencontre arrivée, la voiture va se connecter toute seule à la conférence sans que le conducteur ou que le passager ait à indiquer les paramètres à l'intérieur, par exemple, du board de commande. Ça va se faire automatiquement. Et pour rendre le processus beaucoup plus fluide, bien, les abonnés aux services en ligne de Microsoft, notamment Exchange et Office 365, vont pouvoir laisser leur voiture lire l'information qui va être notée à leur agenda, sur leur liste de tâches ou même dans leur carnet d'adresses. Donc, ça va être synché un petit peu partout par rapport à votre agenda, par rapport à votre courriel. Probablement aussi, les réseaux sociaux vont venir faire un petit peu jouer la balance dans tout ça. Et ça va être relié à votre compte Skype. Donc, les services de navigation, de messagerie, d'appel et l'interface vocale... du iDrive, oui, bien, ils vont tous être là au besoin si jamais vous avez besoin d'aide. Mais surtout, n'utilisez pas votre cellulaire à même votre main pour vous. Ça pourrait vous déconcentrer. Potentiellement. C'est ça. Vous pourriez faire un accident. Mais c'est tu vas skyper ton changement. Tu vas skyper au volant, tu vas avoir une grande discussion, mais ça ne sera pas dérangeant pour ta conduite. Tu vas rester focus, c'est sûr. Oui. En tout cas, pour BMW, la manœuvre, c'est quand même assez simple pour eux. Il s'agit d'une façon de pouvoir cibler beaucoup plus les gens d'affaires pour une nouvelle clientèle qui va être professionnelle, qui va avoir généralement les moyens de s'offrir une voiture un petit peu plus luxueuse. On parle surtout des voitures qui vont devenir autonomes de plus en plus. Donc, on essaie de pouvoir voir justement avec une voiture autonome si on ne pourrait pas y intégrer cette formule-là pour Skype, chose qui pourrait devenir un petit peu moins dangereuse sur la route, là, puisque la voiture va être autonome, qu'on ne devrait pas nécessairement être extrêmement focus sur la route et qu'on va pouvoir vaguer à d'autres occupations à l'intérieur de la voiture. Mais BMW, c'est surtout pas la première marque automobile à offrir justement l'intégration de Skype dans ses véhicules. Volvo a fait la même chose l'hiver dernier. Apparemment, il n'y a pas eu de gros dommages par rapport à ça. Il n'y a pas eu de gros scandales. On n'en a pas entendu parler. Et cette dernière, en fait, Volvo pense même aller un petit peu plus loin avec Microsoft. On envisage aussi d'utiliser Cortana, comme tu l'expliquais tout à l'heure, qui est l'assistant numérique qu'on retrouve notamment dans les logiciels de Windows 10. C'est l'équivalent de Siri. C'est ça, exactement. C'est une personne qui va vous parler, là, ou si jamais vous avez une question, elle va vous répondre. Donc, les ordinateurs personnels et tout ça à titre d'assistant vocal pour les véhicules qui vont être à venir. Et on s'est aussi posé la question, parce que je viens de dire, bon, ça sera pas dangereux, mais ça va-tu devenir une distraction? Ouais. Justement, en attendant la voiture autonome, est-ce que si on l'intègre aux véhicules qui sont présents sur les routes, est-ce que ça va pas devenir un petit peu dangereux? Bien, il y a des études indépendantes qui ont prouvé qu'après avoir une discussion au téléphone, même en main libre, ça représente quand même une distraction qui augmente sensiblement les risques de collision. On peut pas passer à côté. C'est comme ça. On peut pas faire deux choses en même temps pour plusieurs. Donc, dans ce contexte-là, l'utilisation d'un service de conférence vocale comme Skype, ça peut soulever de grandes interrogations. Ça l'a commencé à soulever de grandes interrogations. Je suis pas la seule qui vient de poser la question. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Donc, chez BMW, en fait, on a décidé de s'assurer que la nouveauté, c'est pas une distraction de plus au volant. Le constructeur allemand ont décidé de dire que les nouveaux services sont sécuritaires, sont fiables. On va bien évidemment faire des tests beaucoup plus poussés pour voir à quel point les distractions peuvent être graves à ce moment-là, mais on veut s'assurer qu'il ne va pas y avoir de gros scandales ou de grosses collisions à cause de cette nouvelle application-là à l'intérieur des voitures. Mais quand même, c'est sûr que ça ouvre une porte pour une nouvelle sorte de clientèle. Surtout qu'on dit que le temps, c'est de l'argent maintenant, de plus en plus. Alors, je crois qu'il y en a certains qui pourraient être très heureux de tout ça, mais bon. Ouais. Il reste un, trois petits points à la fin. Le temps, c'est de l'argent. C'est l'argent ça. Ne fait pas le bonheur et le bonheur est dans le prêt. Hein? Il reste des points de suspension. Tout ouais. ça, je pense que c'est un petit peu comme, c'est comme un gag les de voitures chance, autonomes. Hein? Les voitures autonomes, finalement. Tu sais, c'est... Des c'est, points de suspension. C'est ça. Il c'est reste un... des points de suspension. Il y a beaucoup de choses à devoir clarifier avant de s'assurer que ça ne sera pas une grande distraction. Ouais. C'est un bon nom pour un garage. C'est les points de suspension. Ça, c'est pas, ça serait pas fou. Hein? J'allais dire, Microsoft là, qui travaille sur une voiture, je ne sais pas si tu savais, ils vont remplacer le klaxon par un whiz. Tu souris? Non. OK. Hey, t'es dormi naïf. Ben non, wow. mais là, wow, franchement, un whiz. Un whiz. Messenger. MSN wow. dans le temps. Mathieu, tu connais bien évidemment HBO. Ben oui. Qui sont la maison mère de Game of Thrones. On a proposé, en fait, de payer une certaine personne, ou du moins des personnes. On a proposé de payer 250 000 $ à des pirates informatiques. Mm-hmm. Donc, la chaîne américaine HBO a été victime de pirates informatiques de grande ampleur à quelques reprises, surtout entre autres pour certaines émissions, comme je viens de le dire, là, Game of Thrones, il y en a certains qui ont réussi à pouvoir trouver des segments des prochaines émissions et pouvoir les poster avant que ce soit le temps que HBO décide de les poster eux-mêmes. Donc, on a offert de payer 250 000 $ au groupe de pirates informatiques qui a dérobé des documents confidentiels dont des scénarios qui sont inédits de la série Game of Thrones. C'est surtout là-dessus qu'on veut remettre la main du côté de HBO. Donc, on a offert de payer un bug bounty. C'est une pratique qui est relativement courante des grande compagnie télévision, apparemment, du côté des États-Unis, pas ici. chez là, je crois qu'on n'a pas vraiment... Le prochain épisode de Génial à Télé-Québec. 19-2, là. C'est full inédit. Alors, leur système de sécurité informatique est quand même beaucoup plus développé et beaucoup plus... piraté aussi que les nôtres. Donc, c'est une offre qui semble pas avoir convaincu, en fait, les pirates informatiques. Il y a pas beaucoup de monde qui ont décidé d'aller travailler pour HBO après cette demande-là. C'est une rançon de plusieurs millions de dollars qu'on réclame et on menace, bien évidemment, de dévoiler davantage de documents et de données de la chaîne. Ouais. Donc, ça serait comme une guerre, en fait, de pirates informatiques à savoir si on y va du côté de HBO ou si on va de l'autre côté à pouvoir aller dérober des petits documents confidentiels d'émissions inédites. Ils ont le gros bout du bâton avec pas mal, hein? De spoilers. Et les pirates auraient mis aussi la main sur près de 1,5 téraoctets de données. Donc, ils disent avoir en leur possession des vidéos, des scripts, des documents personnels, des informations qui sont sensibles. Une vidéo d'un certain Mr. Smith qui circulait sur Internet cette semaine. Donc, ce sont des vidéos que les pirates informatiques demandent 6 mois de salaire, c'est-à-dire 6 millions de dollars pour pouvoir les récupérer du côté de HBO. C'est du salaire, ça? Mais eux offrent 250 000 pour pouvoir avoir des gens qui vont aller les rechercher. Alors, en même temps, c'est HBO. HBO, il y a l'argent de pouvoir sortir pas c'est mal n'importe quoi pour pouvoir garder leurs leur documents, mais est-ce que propriété. Ça va arriver? C'est ouais. ça. C'est, ça va être différent. Mm. Du côté du Québec, on a aussi quelques nouvelles du côté de ce qui se passe côté geek, un petit peu... Mais un petit peu moins intense que ça. Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est une demande d'action collective au Québec contre Netflix. Ah. Je ne sais pas si tu es au courant, déjà c'est en partant... De rien en ce moment. Les frais de Netflix ont augmenté depuis... 2 $, 1 $, hein? 1 $, si ouais. je me souviens bien, oui. C'est une demande, en fait, d'autorisation d'intenter une action collective contre Netflix qui a été présentée au Québec au nom d'usagers qui ont subi une hausse de prix qui n'était pas annoncée nulle part. C'est comme juste arrivé. Donc, ça a été déposé le 11 août dernier. C'est il y a 6 jours, là. Mm-hmm. Ça fait vraiment pas longtemps. On est allé en cour supérieure par le bureau d'avocats montréalais Cogler Candestin, mon... Canestin, c'est ça, c'est dans le... Oui, tout à fait. On a été, en fait, on a envoyé par le service de diffusion qui informait ses usagers, oui, de la hausse qui ne respectait pas les exigences envers le public qui avait déjà été... chercher leur compte Netflix et tout ça. Donc, on est fort sur la protection du consommateur au Québec. Un petit peu, c'est ça. On essaie de voir qu'est-ce que serait la loi de la protection du consommateur par rapport à Netflix. Et l'avis omettait aussi d'aviser les usagers de leur ancien prix et de leur nouveau prix, comme quoi leur droit de résilier leur abonnement se refusait la hausse. Ah. Netflix a refusé certains clients de tout simplement vouloir abonner leur désabonner leur compte parce que c'est dans leur contrat apparemment. Ah oui. Et je le dis bien entre guillemets. Il y a beaucoup de choses sûrement dans leur contrat. Exactement. Hein? Donc le demandeur réclame le remboursement de toutes les augmentations qui ont été perçues par Netflix après le 11 août 2014. Okay. Donc c'est des dommages exemplaires là. C'est quasiment rien là. C'est une pièce par mois. Dans le temps c'était quoi? Mais... 9$? Exactement, ouais. Là, on monte à 10, tu sais, c'est pas la fin du monde, ça reste quand même moins cher que de t'acheter Bell. C'était 9, mais... c'est devenu 10 et là, ça monte à 11. C'est ça, ouais. Exactement. Donc, le cabinet qui est au milieu de cette affaire-là... Clandestin. Oui, ouais. Clandestin, estime que le nombre de consommateurs visés est à 1,4 million. C'est quand même beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ça. Il y en a certains qui se sont pas nécessairement rendus compte que leur compte avait augmenté parce que la plupart du temps, ça va passer automatiquement sur ta carte de crédit. En fait, je pense que t'as pas le choix, tu peux pas faire un paiement. Ben, c'est Netflix, ça. Il y en a de plus en plus qui font ça maintenant, même les services à Internet et tout ça. Donc, il s'agit exclusivement de consommateurs québécois, puisque la poursuite est intentée et en vertu d'une loi québécoise. On le sait, ça a augmenté aussi du côté des États-Unis. On va voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas contents. Donc, depuis les augmentations de 2010, c'est peut-être 10$ par membre, dont la réclamation qui est évaluée à plus de 14 millions pour plusieurs personnes. Donc, on va jouer dans ces eaux-là encore pendant un bout. On parle d'un retour collectif qui est procédé en deux étapes principales. On va voir comment ça va se passer. Mais j'ai comme l'impression qu'ils vont perdre. Ouais. J'ai comme l'impression que Netflix va quand même avoir le gros bout du bâton par rapport à ça, puis on n'aura pas grand-chose à dire. Exactement. Puis s'il y a quelque chose à demander, un vrai recours collectif, il va falloir s'inscrire à ça. Ça va prendre des semaines avant de pouvoir recevoir éventuellement un chèque de 2$. Exactement. Ouais. Ben, en fait, sur une année, c'est quand même... si on a augmenté de 2$ depuis les dernières années, fois 12, 24$ ben, c'est par ça. Année, c'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup, considérant le fait que t'as pas nécessairement été mis au courant en avance. Ben, les médias en parlent, mais c'est pas tout le monde qui se tient au courant. Exactement, puis que t'as comme pas le droit de te désabonner maintenant par rapport à ça. C'est sûr que c'est un petit peu fâchant pour le consommateur si jamais il arrive quoi que ce soit, mais lis donc le contrat avant de le signer. Ouais, c'est pas mal moins pire que l'autre nouvelle qui est sortie sur les frais de déverrouillement de téléphones cellulaires qui vont être arrêtés en septembre. C'est septembre, je crois. Ouais. Oui, tout à fait. Mathieu, t'es du genre à faire des paiements mobiles, toi, beaucoup plus que moi. Tout le temps. Je sais que toi, t'es à l'aise avec ça. Oui, j'adore ça, quand c'est sécurisé avec un petit cadenas, là. Exactement. Mm-hmm. Moi, je suis vraiment pas le genre à faire ça. Pas que j'ai peur des paiements mobiles, mais j'aime pas ça. J'aime mieux aller faire mes paiements à la banque ou peu importe. Ben, tu sais que si c'est facile d'accès, tu vas peut-être faire des achats intempestifs. Aussi, mais apparemment que je serais dans le tort. Ah. Parce que c'est un système de sécurité qui est sous-estimé. Depuis quelques années, en fait, on peut inscrire sa carte de crédit dans une application. On peut payer de cette façon-là ses achats avec son téléphone chez les commerçants, par exemple, ceux qui utilisent PayPass ou PayWave. Donc, il y a de grandes entreprises, comme par exemple Air Canada, qui commencent aussi à intégrer dans leur application des solutions de paiement mobile. Donc, tu pourrais, par exemple, arriver aux douanes et décider de payer tes bagages, là, comme ça, avec ton téléphone cellulaire, sans nécessairement avoir à passer au guichet de Air Canada. Donc, c'est 29 % des utilisateurs de téléphones intelligents au Canada qui utilisent cette technologie-là. Si peu, j'aurais pensé plus. Si peu, 29 % je me trouve pas si pire finalement. Mais plusieurs consommateurs se disent encore méfiants. Mais est-ce qu'on a des raisons d'être méfiants par rapport à tout ça? Desjardins a sorti sa propre application de paiement mobile en 2014. Par la suite, on a offert Apple Pay en 2016. Donc, l'institution a-t-elle recensé des cas de fraude avec des nouvelles applications? Est-ce qu'il y a eu de gros cas par rapport à tout ça? La réponse, c'est non pour le moment. Il n'y a pas eu de grands cas par rapport au paiement mobile. Il n'y a pas eu de grosses fraudes par rapport à tout ça. Donc, c'est un autre signe que l'Office de la protection du consommateur récolte pas de données concernant des plaintes par rapport à ça. Donc, ça semblerait être une bonne façon de faire des paiements. Ouais. On a entendu parler de cartes de crédit qui avaient eu des fraudes à un moment donné. Puis oui. Il y a des magasins que toutes les données des gens avaient été exactement. Sorties, mais pas sur les paiements mobiles. Pas sur les paiements mobiles. On dirait que c'est un niveau de sécurité qui est comme un petit peu à toute épreuve pour le moment. c'est sûr qu'on va commencer à avoir des failles. C'est oui. sûr qu'on va avoir plus un certain moment. Plus t'as d'utilisateurs, le pourcentage reste le même, mais ça fait plus, ça prend plus d'ampleur. C'est ça, exactement. Donc, les solutions de paiement mobile n'atteignent pas un niveau de sécurité qui est particulièrement élevé présentement. Et lorsqu'on paye avec son cellulaire, on n'a pas les informations de la carte de crédit qui sont envoyées chez le marchand, mais les informations de la nouvelle carte qui est créée dans l'application. Donc, c'est pas votre carte de crédit automatique qui est un petit peu dans votre téléphone cellulaire, c'est celle qui va être dans votre application. Donc, c'est comme si votre carte de crédit était affiliée à une autre carte de crédit qui est celle de l'application, mais celle de l'application n'est pas rattachée à votre carte de crédit pour les gens qui voudraient, par exemple, frauder. Donc, de cette façon-là, ça devient quasiment une sécurité à toute épreuve et on peut utiliser des applications de paiement. Il faut d'abord déverrouiller l'appareil avec un code ou avec des données qui sont biométriques. Donc, il n'y a pas nécessairement d'inquiétude à avoir pour le moment si on perd son appareil par rapport à ça. Et bien sûr, ça pourrait arriver qu'on ait un proche qui réussisse à obtenir le code et l'utilise pour réaliser des transactions, mais il faudrait que quelqu'un soit près de nous. Faudrait que quelqu'un connaisse notre code. Faudrait que par-ci, par-là. Donc, de ce côté-là, semblerait que les transactions sans contact qui sont limitées à moins de 100$ soient quand même sécuritaires pour le moment sur les téléphones mobiles oui. et tout ça. Chose que j'étais quand même très sceptique. C'est rassurant. Ouais. Est-ce que ça va te faire changer tes façons de payer? Pas vraiment. Non. Je pense pas. Je pense en fait que le fait que j'utilise pas les paiements mobiles, soit le fait que c'est rattaché à une carte de crédit. Ouais. Je déteste utiliser ma carte de crédit. Ah, je préfère honnêtement utiliser ma carte débit. Je sais que tout le monde me dit que je devrais pas faire ça. Ben surtout, ça doit coûter cher par mois au nombre de transactions que tu vois. J'ai transactions illimitées, alors c'est vraiment... Et les guichets? Même chose. Oui, donc c'est sûr qu'il faut, il faut toujours faire attention, que ce soit par paiement mobile ou que ce soit paiement dans une caisse ou directement chez le marchand. Mais du côté de la loi, lorsqu'on parle d'une application mobile de paiement sur notre téléphone cellulaire, lorsqu'elle fonctionne par l'entremise d'une carte de crédit, bien la loi sur la protection du consommateur s'applique. Ah oui, alors. Donc présentement, si jamais il arrive quoi que ce soit, vous êtes protégé par la loi du consommateur. Responsabilité zéro. Exactement. Mmh. Elle encadre en fait les contrats de crédit et ça protège notamment les consommateurs à l'égard de l'utilisation qui est non autorisée en cas de perte de carte de crédit ou de vol de carte de crédit. Donc comme c'est votre téléphone cellulaire, ça pourrait représenter selon la loi, votre carte de crédit. C'est comme si vous l'auriez perdue ou vous l'êtes fait voler. Donc, de ce côté-là, si l'application utilise le mode débit en étant couplée directement au compte bancaire du consommateur, mais les opérations de paiement bancaire ne sont pas encadrées par la loi. Oh. Donc, il faut faire attention. Si vous utilisez votre carte de crédit en paiement mobile, ça va, vous êtes couvert. Si vous utilisez avec votre carte débit, c'est directement relié à votre compte. Là, vous n'êtes plus couvert. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui offrent le débit en Apple Pay. C'est vrai. Présentement, Desjardins ne fait pas. C'est vrai. Tangerine le fait. Mais pas ma carte. Tu sais, pas le. En tout cas, bref. Mais c'est quand même intéressant à savoir qu'il y a une bonne sécurité autour de tout ça, malgré le fait que certains étaient beaucoup. Tu sais, certains, plusieurs étaient sceptiques, considérant le pourcentage qu'ils ne l'utilisent pas, versus ceux qui l'utilisent. Ouais. C'est quand même fun de voir qu'il y a une bonne sécurité par rapport à tout ça. Absolument. Je me trompais en passant, Desjardins, ça marche, Philippe. Ah oui, c'est vrai. Bref. On termine avec le pétrole, Mathieu, parce qu'on parle de plus en plus des voitures électriques, on parle de plus en plus des nouvelles énergies, des énergies propres, et on parle du pétrole qui est en baisse. Il y a encore de la baisse pour ça? Ah! Eh bien, oui! Le pétrole a terminé en nette baisse hier du côté de New York. Donc, on a été plombé par la hausse hebdomadaire de la production américaine et les nouvelles secousses politiques là, qui entourent évidemment notre... fameux président Donald Trump à Washington. Donc, le prix du baril du Light Sweet Crude, qui est apparemment le baril le plus voulu. Le Light Sweet Crude? Crude. Crude. On dirait une sorte de mélasse. Oui, hein? Sirop d'érable. Ou genre une bière légère, ambrée. Mienne, c'est pas vrai de la Light Sweet Mais bon. Crude. Ça l'a perdu 77 cents sur le contrat pour la livraison en septembre du côté de New York. Donc, il y a une deuxième partie de séance du baril qui est déjà dans le rouge. On a accentué la baisse au moment des premières rumeurs qui concernaient justement une dissolution d'une puis de deux instances qui entourent Donald Trump. pour le conseiller en matière de politique économique après la vague de démission de plusieurs personnes du côté de la Maison-Blanche. Oui, de réveil qu'on appelle. Exactement, de réveil, oui, de saine pensée. De retour à la lucidité. Exactement, c'est ça, lucidité. Donc, ces derniers souhaitaient marquer leur distance avec les déclarations du président américain. Donc, ça a fait en sorte que le pétrole est tombé un petit peu à la baisse de ce côté-là. C'est quand même le fun parce qu'on se dit que quand même ça va être bon un petit peu pendant quelques temps pour notre couche d'ozone. Il va tellement être plus cher, là, ce pétrole-là, qu'on pourra faire des combats dans le pétrole. Oui, à la place du combat, ben oui, hein? Ça va être fou. Voilà. Voilà. Cool. C'est ce qui a retenu un petit peu mon attention dans les derniers jours. Là, j'imagine un paquet de goélands là, avec du savon à vaisselle en train de faire partir leur pétrole. Se faire laver là, du Dawn. Dawn. C'était ça le mot, Dawn. Mais ça, c'est Dawn. Oui, je pense que oui. C'était des poussins qui se faisaient laver. Ouais. Il devrait sortir une version pour laver Donald Trump, il appellerait ça Donald Trump. Ça coulerait orange dans le fond du lavabo. Cheetos. Bref, merci Tania. Ça fait plaisir. Une autre collègue de Tania is gonna entertain you un petit peu plus tard en deuxième heure. Je crois qu'on est déjà en oui, deuxième heure. Ça. Mais plus tard à l'émission. Voilà. Alors, on prend une pause. Au retour, les instructions d'assemblage. Restez là. Assemblage aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour la semaine du 14 août 2017. Je suis toujours de plus en plus lent à la technique aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. L'émission avance, la journée aussi, et l'épuisement s'en vient d'ici la tout fin. Tout à fait. Oui. Mais au moins, on a la récompense de pouvoir manger quelque chose de malsain en fin d'émission. C'est avec vrai. Une grosse pointe d'adresse. On a aussi plus tard une autre collègue de Tania Isgolin Tutania. Dans quelques instants, ce sera les instructions d'assemblage, mais avant, on va entendre une pièce du palmarès francophone. C'est Tôle froide. Voici Les Michel. Les Michel. Les Michel. Assemblage requis sur C'est fou. 89.1 FM. Boum, boum, boum, boum, boum. Tac, tac, tac, tac. Non, repars-moi ça. Non, j'ai pas le rythme. Pas grave. J'aurai jamais de batterie. J'ai déjà abandonné à Rock Band tellement j'étais pas bon à batterie. We'll be right back. Michel, étoile froide à Assemblage Rookie. Maintenant, c'est le moment d'apprendre à mieux vivre. Tania, on va se donner des conseils, on va pas nécessairement les suivre. Non, en effet. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Mais là, hein? Franchement. Qu'est-ce que tu veux? Donc, les instructions d'assemblage où on se donne des conseils de vie. Et aujourd'hui, on a une thématique, Tania. Mm-hmm. Une de mes thématiques que j'aime particulièrement, c'est de parler d'argent. Oui. On a parlé tantôt de débit, on a parlé de ça dans ta chronique. Tout à fait. Un petit peu. Donc, parlons maintenant de recherche, de chercheurs qui nous disent que la méthode de la boule de neige est la meilleure façon de payer une dette. D'accord. Quelle est la... Boule de neige. Boule de neige, voilà la plus efficace des méthodes. Donc, c'est chez Harvard Business Review. Le chercheur Rémi Trudel. Oui, Rémi Trudel. Ce gentil jeune homme. Discute donc de l'étude publiée dans le Journal of Consumer Research. En utilisant les données financières anonymes d'une période de 36 mois, Trudel et son équipe ont regardé donc comment 6000 personnes avaient payé leur dette. On a vu que prioriser une dette sur une autre était la façon la plus efficace. Donc, les gens qui concentraient leur repaiement, leur paiement, sur un de leurs comptes, allaient libérer plus rapidement leur dette de carte de crédit, par exemple, versus ceux qui dispersaient leurs paiements sur différents comptes en même temps. OK. Basé sur ces données-là, ils ont conclu par leur propre recherche donc on a étudié plusieurs stratégies, plusieurs méthodes pour payer des dettes. Par exemple, dans une de leurs expériences, ils demandaient aux sujets de soit payer leurs dettes en utilisant une méthode de paiement égaux sur différentes cartes, différents comptes, ou sinon en focusant sur un seul compte à la fois. Les participants qui étaient assignés au paiement concentré à cette stratégie-là travaillaient plus fort parce qu'ils avaient l'impression qu'ils accomplissaient plus quelque chose. Quand tu mets des plus gros paiements sur une seule boule de neige, elles font plus vite. Oui, en effet. Que s'y va avec de plus petits montants. Donc, c'est pour ça que cette méthode-là fonctionne plus. C'est des petites victoires. Donc, moi, ce que je conseillerais personnellement, ce qui a l'air d'être prouvé dans l'étude, c'est que si vous avez plusieurs petites dettes, clenchez-les en premier. Éliminez vos petites cartes de crédit, éliminez vos petits remboursements à des familles, à parents ou amis, peu importe. Et quand vous êtes rendu à avoir une seule grosse dette, donnez-y de gros coups. Ça va aller beaucoup mieux, donc ça va faire boule de neige, ce qu'on appelle la méthode donc snowball. Allez voir les détails mathématiquement parlant sur assemblagerequis.com. Donc, focussez sur la plus petite balance en début, ce qui a un effet plus gros sur votre impression d'avoir avancé. Donc, la montagne paraît moins haute. Ensuite, on parle d'encouragement positif qui aide en fait à booster vos buts pour économiser de l'argent. Oh. Économiser comme dans avoir de l'argent de plus pour se payer des bonus, par exemple. Donc, économiser, ça peut être une bonne chose pour le futur, mais on aime beaucoup dépenser dans le présent. Donc, se connecter, connecter votre vous du présent et votre vous du futur, c'est un des plus grands défis dans la gestion de l'argent, dit-on. Et donc, pas mal dans la gestion de tous les jours. Absolument. Donc, c'est une étude de Rand Corporation. Les chercheurs ont regardé différentes méthodes d'économie d'argent pour voir comment elles étaient efficaces. Les participants se faisaient dire qu'ils allaient gagner soit 50, 100 ou 500 $ dans une loterie au hasard en participant à l'étude, mais ils devaient décider combien ils voulaient économiser. Ils se faisaient aussi assigner un de différents types de comptes. Donc, le compte traditionnel, ça, c'est un compte d'économie qui se prend 30% d'intérêt, qui accumule 30% d'intérêt sur les 6 prochains mois, sans restriction sur les retraits. Ensuite, il y avait un compte d'engagement solide, engagement dur, donc hard commitment, un compte qui ne permettait pas les retraits lorsque tu déposais de l'argent jusqu'à la fin de l'expérience, 6 mois plus tard. Ce compte-là faisait aussi 30% d'intérêt, on se comprend jusque-là. Mm-hmm. Et tu as un compte à engagement mou, comme on peut dire. Ouais. Donc, c'est un compte identique au compte traditionnel, sauf que lui, il essayait de t'encourager à économiser. Donc, il y avait des petits encouragements, des petits « tu devrais mettre de l'argent de côté ». Donc, ces petits incitatifs, ces conseils-là, entre autres, leur rappeler leur but, demandant d'utiliser un mot pour décrire comment ils se sentent par rapport à leur but. Et ensuite, ils pouvaient écrire, par exemple, « Je suis un bon économiseur, je peux me rendre jusqu'à mes buts, jusqu'à mon but. Chaque mois, donc, les gens qui économisaient se faisaient envoyer des mises à jour sur leur balance d'économie et se faisaient demander donc, s'ils voulaient économiser encore plus. Et à la fin de l'expérience, l'engagement mou avait plus de succès en général. Donc, on dit que ça menait à une augmentation modérée de l'argent qui avait été économisé à la fin des 6 mois. Donc, évidemment, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de comment vous vous sentez versus les encouragements mous, les petits encouragements fréquents. Ça dépend. Il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne pas. Mais c'est ça. Donc, vous pourriez peut-être l'essayer de vous mettre une alarme disant « Hey, avez-vous économisé cette semaine? » Pas fou, pas fou. Ça pourrait être bien. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on devrait porter attention aux autres gens dans les magasins à rabais, les magasins style, bon, je sais pas, on pourrait dire Village des Valeurs, mm-hmm. des thrift stores, ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça en français, des magasins à rabais, si on veut. Donc, pour plusieurs personnes, magasiner, c'est de garder la tête en bas et de rester dans sa bulle et prendre ce qu'on a besoin et s'en aller. Mais magasiner dans des magasins à grand rabais, ça peut être quelque chose de complètement différent. Tu serais mieux de te promener et de porter attention aux autres gens autour de toi. C'est une personne qui fait beaucoup d'achats dans des magasins du genre Tavia Tindall qui explique à Apartment Theory que les thrift stores, c'est une bonne façon de rencontrer des gens intéressants. Tindall dit qu'il y a quelque chose de bien dans le fait que deux étrangers peuvent se rencontrer en ramassant des trucs dans un magasin. Donc, parler à des gens, on dit que c'est une bonne chose pour toi, ça peut te faire socialiser. T'es rempli de trucs qui pourraient démarrer des conversations, briser la glace, le genre d'interactivité que t'aurais pas dans un magasin grande surface. On pourrait dire le contraire. En fait, dans un magasin grande surface, t'as aussi des trucs à dire. Ouais, c'est ça. Si tu veux rencontrer quelqu'un, t'as pas besoin d'un magasin spécialisé. Excusez, je vous ai pas vu. Pardon. ça pourrait être une bonne façon de trouver d'autres magasins à rabais comme ça que vous pourriez ne pas connaître, des friperies, des trucs comme ça. Donc, portez attention aux autres qui pourraient vous aider à trouver de bonnes choses en magasin et vous pourriez même trouver des petits trésors cachés dans des conversations. Ensuite, juger les habitudes financières des autres peut affecter votre propre santé financière, vos habitudes financières. D'accord. C'est un expert en finances personnelles, Carl Richards, qui nous explique que lorsqu'on juge comment les autres économisent, dépensent ou font de l'argent, ça peut avoir un effet négatif sur nos propres décisions personnelles. C'est James Dusenberry, aussi une sorte de baie. Oui, c'est ça. Économiste et chercheur pour les consommateurs, en fait. Elle dit que c'est l'hypothèse de l'argent entrant relatif. Donc, Relative Income Hypothesis, c'est notre tendance à utiliser les autres comme référence par rapport à nos propres décisions et nos propres attitudes sur les dépenses financières et sur les économies d'argent. Donc, selon M. Dusenberry, je l'appellerai dorénavant Baie Dusen, la baie du son aussi. Sinon. Oui, oui. Bref, les gens ont tendance à économiser moins parce que les plus hautes dépenses... Attends un petit peu. Les dépenses des autres plus élevées... Ah, quand même, c'est difficile à traduire, ça. Que ça va te donner... Ouais, c'est ça, ça va être... C'est ça. Les gens qui économisent plus, qui sont autour de toi, ça va faire que tu vas avoir de la difficulté à atteindre... OK, oui, je comprends. ...ce barreau-là, si on veut. Mais je pense que c'est pas non seulement avec l'argent, c'est un peu avec tout. L'amour. C'est ça. Ouais, les possessions. Oui. L'emploi. L'emploi. Des trucs comme ça. Bref, on base nos décisions sur comment on pense que notre argent... en fait, c'est ça. C'est à peu près ce qu'on a à peu près à dire. Je pense que ça va aller pour cet article-là. Ensuite, on nous dit de ne pas se priver de nos récompenses de carte de crédit. Oh, OK. Je sais que tu n'utilises pas beaucoup de cartes de crédit. Je connais quelqu'un qui a, je crois que c'est 4 cartes de crédit pour différents. Bon, il y en a une qui donne des rabais de plus sur le gaz. Donc, c'est dans les épiceries et des trucs comme ça. Donc, elle va se poser la question à chaque fois qu'elle va dans un commerce. L'utilise pourquoi? Je prends quelle carte? Oui. Pour quel endroit? C'est difficile, mais ça peut être utile pour ceux qui veulent, par exemple, se faire des 1000 de récompenses, des rabais, des retours en argent. Accumuler ces points-là, et ça peut prendre du temps, mais après ça, vous allez comme avoir tendance à accumuler une grande montagne. Mais on nous dit que ces points-là ou ces retours-là peuvent avoir une perte à travers le temps. Ah ouais, je savais pas. C'est ce qu'on dit. Donc, les compagnies de cartes de crédit peuvent changer leur programme de loyauté avec le temps et ces points-là pourraient perdre de la valeur. Par exemple, je sais pas si c'est le cas pour Desjardins, là, mais ils ont des bonnies dollars. Les bonnies dollars sont accumulées à un certain pourcentage. Je sais pas si c'est 1% de chaque tranche de 100$ va compter pour un bonnie dollar, quelque chose comme ça. Mais c'est qu'après ça, les produits, eux, peuvent changer de prix. Ah! Hein? Oui. Donc, si, mettons, ton appareil va te coûter 70 points bonus dollars, ben, peut-être que plus tard, peut-être que ces points-là vont valoir moins ou peut-être qu'ils vont changer pour dire, bon, maintenant, c'est 80 dollars. Donc, fou. Attendez pas trop. Évidemment, quand c'est du retour en argent, moi, c'est ce que je préfère. Ma carte de crédit est du retour en argent, donc c'est de l'argent gratuit. 1% de mes achats me reviennent directement dans mes poches à chaque mois. Je trouve ça vraiment cool. Et des fois, bon... des fois, il faut attendre pour pouvoir avoir assez de points pour acheter un appareil, mais une fois que vous avez l'envie de l'acheter, n'attendez pas. C'est ouais, vrai. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, une façon facile de donner de l'argent ou des cartes cadeaux et faire que le cadeau soit personnel. Tu sais, une enveloppe d'argent ou une carte cadeau, c'est toujours utile, mais des fois, ça peut avoir l'air impersonnel. On peut éviter ce faux pas en ajoutant une petite note, nous dit-on. Donc, c'est Food52 qui a parlé à Diane Gutzman et Amy Alcon. Les deux, donc, sont auteurs d'articles sur les bonnes manières. Gutzman et Alcon étaient unanimes à deux, en disant que tout le monde apprécie de recevoir de l'argent. Par contre, la clé est d'écrire une note pour l'accompagner. Donc pas juste une petite carte sans nom là, une vraie carte dans laquelle tu as écrit un texte. On dit que donner un cadeau une carte cadeau à quelqu'un dont t'es vraiment proche pourrait avoir l'air un petit peu froid. Amy dit qu'en écrivant une note, tu exprimes pourquoi tu l'as acheté, à quoi t'as pensé que la personne pourrait se procurer. Ouais. Donc il n'y a pas de modèle à suivre, mais quand même juste garder ça un petit peu plus personnel. Nous dit. J'ai bien la misère avec ça, mes sentiments, c'est difficile à sortir. C'est tellement dur. Ensuite, on parle d'être direct avec ses amis par rapport à votre budget et ne pas se faire d'excuses pour ne pas sortir. Ça t'arrive sûrement, ça m'est déjà arrivé de dire, bon, je peux pas sortir, j'ai pas d'argent. Ouais, ouais, ouais. Et là, ouais. Ton ami, des fois, va dire, bon, ben, gars, je t'invite. Ouais. Mais à un moment donné, tu feras pas ça à chaque fois. Hein? Non. Donc, des fois, il faut pas que tu le fasses à chaque fois. Il faut pas. Il faut que tu choisisses le moment où tu le fais. Bien utiliser vos excuses. C'est ça. Donc, des fois, on peut avoir des cartes de crédit à payer, des prêts étudiants, peu importe. Ça peut être gênant de dire que tu as un budget à suivre puis que si tu ne suis pas ton budget, tu n'auras pas l'argent à la fin du mois pour manger. Exactement. Hein? Ça peut arriver. Mais je pense qu'on ne devrait pas avoir honte de le dire. Tout le monde est de même, je suis sûr. Moi, je pense que oui. Puis aller se prendre une autre carte de crédit pour pouvoir aller plus loin encore dans le trou, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est ça. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans les détails de ça, bien sûr. On n'est pas obligé de parler de sa structure financière en grand détail, mais une simple petite réplique, par exemple, je m'excuse, mais j'ai un budget à suivre, ça passe pas de l'alcool dans mon budget c'est en ça. Ce moment. Une fois qu'ils vont connaître votre budget, les chances sont bonnes qu'ils vont vous laisser tranquille. Est-ce que t'es en train de me passer un message subtil pour la soirée d'hier soir, Mathieu? Ça va très bien, Fabien. Trois jobs. C'est vrai. Ouais. Donc, les dettes. C'est les quelque chose dettes. Qu'on devrait pas avoir honte et... finissez par les payer avec la méthode boule de neige. Exactement. Faites comme moi un jour, vous allez vous en sortir. Un jour. Vous allez y arriver. Un jour, ça va bien. Des fois, c'est vraiment long, mais ça peut fonctionner. Okay. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Tantôt, on dit ça, le temps, c'est de l'argent. L'argent, oui. C'est pas le bonheur est dans le prix. C'est ça? Mm-hmm. Donc, ça peut mener à de mauvaises décisions. C'est-à-dire ne jamais dormir, toujours travailler. C'est à peu près ça. C'est cette décision-là, maintenant. Ouais. C'est pas mal la nôtre. Pas mal, hein? Donc, le problème, c'est que le temps, nous dit-on, n'est pas de l'argent. En fait, ça a beaucoup plus de valeur que de l'argent. Et le site de finances personnelles Done by 40, donc terminé avant 40 ans. Je savais que c'était des valeurs personnelles qui allaient rentrer en ligne de compte. Voilà. Ça nous dit donc qu'assigner une valeur monétaire à votre temps peut être problématique. Si vous êtes comme bien des gens, vous avez l'impression d'être toujours occupé. Bon, ça va. Hein? Selon une recherche de 2011 de Monthly Labor Review, on nous dit que les gens surestiment leur taux d'occupation. L'étude, par exemple, nous apprend que les sujets estimaient avoir travaillé 75 heures ou plus dans une semaine. En fait, ils avaient tort par 25 heures. Ooh. Ce qui voulait dire qu'ils travaillaient environ 50 heures ouais. par semaine. Done by 40 nous explique qu'une grande partie du problème est de déterminer, en fait, qu'on détermine la valeur de notre temps basée sur l'argent qu'on mérite. Plus on fait d'argent par heure, plus on voit cette heure-là comme ayant plus de valeur. C'est fou quand même, hein? Ça perpétue donc le culte de l'occupation. Et ça renforce donc l'idée d'avoir moins de temps, donc scarcity, donc un manque de oui. temps. Et le temps n'a pas de prix, mais on met un prix dessus parce qu'on essaie de quantifier ça. Les humains sont comme ça, on veut tout le temps quantifier c'est tout. C'est vrai. Voilà. C'est pas fou. Allez lire ça, inspirez-vous un petit peu et changez votre façon de penser en disant que le temps est plus a plus de valeur que l'argent. Voilà. Ensuite, on a un site qui nous montre, en fait, des versions moins chères, des choses chères que vous voulez peut-être acheter. Oh, merveilleux. Bon, tu sais, exemple, ici sur l'article, on a une GoPro, une caméra qu'on peut porter sur soi. Bon, c'est super cher, mais si vous êtes prêt à ne pas prendre la marque et les specs super fancy... J'ai déjà fait ça. Oui, pour? Pour une GoPro. Cool. Ben en fait, c'est pas nécessairement moi, c'est plus mon père qui voulait acheter une GoPro. Mm-hmm. Et c'était extrêmement dispendieux. Alors, il en avait trouvé une alternative. Oui. Et ça fonctionnait à merveille. Et pour le nombre de fois que tu vas t'en servir, ça disait pas si souvent que ça, ça peut être bien. Tu sais, mm-hmm. De l'autre côté, il y a des gens qui ont brisé leur iPhone, peu importe, là, mais ils sont allés acheter un Android vraiment cheap, puis oui. Ils chialent tout le temps. À l'année longue, tu vas t'en vouloir. T'es vraiment pas Android dans ma tête. Non, vraiment pas. Il y a une différence entre ça et une caméra que tu vas te servir pour un événement à un moment donné. C'est vrai. Et que t'as pas besoin de. Tu sais, si t'es quelqu'un qui va faire des courts-métrages, je sais pas trop, tu vas, faire la plongée sous-marine toutes oui. les semaines, puis t'as besoin d'une bonne caméra, vas-y pour le bon modèle. C'est vrai. Mais tu sais, je serais porté à peut-être regarder la Smart Alternative, qui est oui. ici le Wimius 4K. Exactement. Bon, bref, une caméra à 50$, comme le dit l'article de Lifehacker, va pas avoir de la même qualité qu'une caméra à 500$, mais quand même, vous pourriez l'essayer. Sinon, il y a... il y a des alternatives à Keurig, des alternatives à un robot culinaire KitchenAid, des trucs comme ça. Donc, sur le site, comme je disais, c'est outsmartbrands.com. Donc, soyez plus futés que les marques.com, si on veut. Ils vont vous conseiller des télés, des haut-parleurs sans fil, des vélos. Tu sélectionnes ta catégorie, tu vas voir une comparaison de marques cool. populaires dans ces catégories-là et leur contrepartie plus cheap, si on veut. Chaque article vient avec une description complète des caractéristiques, des fonctionnalités pour pouvoir facilement comparer. Et ça va vous dire si, en fait, l'alternative moins chère vaut la peine. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Ouais, hein? Je m'en vais faire un tour sur le site dès maintenant. Ah, passe par assemblagerookie.com, ma chère. C'est ça, c'est ce que je fais. Donc, le site n'est pas affilié avec les marques qui sont comparées, mais par contre, ils sont affiliés à Amazon, donc vous allez quand même leur donner une petite okay. cote quand vous achetez sur Amazon, mais rendu là, hein, c'est un service qui vous donne. Oui. Il mérite bien quelques petites peanuts. Oh, tout à fait. Ensuite de ça, je rappelle outsmartbrands.com pour ceux qui sont en voiture et qui veulent retenir ça, faut que je le dise trois fois. Faites semblant d'être indépendant financièrement pour réussir à atteindre vos buts financiers. D'accord. Ah, voilà. Donc, il n'y a pas de meilleur but financier dans la vie que l'indépendance financière. Je pense qu'on essaie tous de se rendre là un jour. J'y suis à mi-chemin. J'irai mi-chemin. Pas mal exact. Non, un petit peu plus que. Un petit peu moins qu'à mi-chemin, en fait. Mm-hmm. Ouais, la montagne est grosse des fois. Hein. Ouais, grosse c'est vrai. Montagne. Bref, la liberté de pouvoir faire ce que vous voulez sans que l'argent vous empêche de le faire. C'est un long processus, mais pour garder le moral, il faut se rappeler comment c'est d'être indépendant financièrement une fois de temps en temps. Donc, comme tout le monde, des fois, on a une journée de congé. Dans mm-hmm. la vie, une journée de congé, ça peut arriver. Et le blogueur de finances personnelles, Talkin, ouais. nous dit qu'on devrait utiliser ce temps-là pour se pratiquer à être indépendant financièrement. Donc, ça veut dire de prendre le temps pour les choses amusantes que vous feriez dans la vie si vous n'aviez pas le stress de l'argent ou les obligations au travail. Par exemple, lire un livre que tu voulais lire depuis longtemps, planifier un voyage, aller se promener sur la plage, travailler sur des projets, peu importe. Donc oui, c'est des choses qu'on ferait de toute façon en congé, mais Talkin nous explique que c'est le changement de mentalité qui fait une différence. Donc, on va voir sa journée de non-travail comme si on était déjà financièrement indépendant. Donc, tu penses pas à l'argent que tu fais, tu penses pas à l'argent que tu dois. Non, c'est ça. Tu penses pas au travail que tu as à accomplir pour réussir à te sortir du trou. Donc, un concept simple de changement de mentalité pour atteindre un jour l'indépendance financière, pour garder le but que tu as en tête. Et donc, voilà. Te penser libre pourrait un jour t'amener à la liberté. Pas fou. Pouf. C'est pas mal le hashtag qu'on pourrait avoir après chaque article. Oui. Hashtag pouf. Ensuite, justement, on va virer ça de bord un petit peu. Ta liberté financière, des fois, passe par ta petite banque, ton oui, cochonnet. Oui, mon petit cochon. Ton petit cochonnet. T'es-tu déjà demandé, Tania, si tu pouvais non. sortir de l'argent de ta banque? Non. Jamais. Tu t'es jamais dit, OK, j'ai mon marteau, j'ai ma banque, mais est-ce que je peux faire autrement? Quand t'étais jeune... Oui, tout à fait. Bon. Donc, des fois, on met peut-être trop d'argent dans sa petite banque. On se dit, si seulement j'avais gardé mon 2$ pour aller faire du lavage, je sais pas trop quoi. Donc, c'est une vidéo de la chaîne YouTube Hacks World qui nous montre une petite façon assez futée de sortir l'argent de sa banque Ooh. Avec un couteau à beurre. OK. Donc, tu entres le couteau à beurre. Mais normalement, il n'y a pas un bouchon en dessous du petit cochon? Oui. pour certains modèles, mais il y a des modèles qui sont faits pour les gens qui ont en lesquels on peut pas avoir confiance. Ah, OK, ceux-là. ceux-là, donc il y a pas de bouchon en dessous parce que je me rappelle la mienne en avait un. Je vois. Ouais, moi aussi. Mais bon, procurez-vous en une plus luxueuse. C'est ça. Pour les gens qui veulent vraiment économiser parce que la triche pas le fun. T'sais. Non, en Bref, effet. T'entres le couteau à beurre dans la fente et tu vas pencher la banque à l'envers. OK. Et la lame du couteau va agir comme échappatoire, comme glissade. de feu ou d'avion quasiment. Ouais. Va faire sortir les pièces de monnaie de la banque. Donc tu rentres ton couteau à beurre jusqu'au fond dans la fente et tu tourne ta banque à l'envers. C'est vraiment pas fou. C'est comme une glissade. C'est fantastique. Allez voir, il y a une petite vidéo pour vous montrer comment faire, comme si c'était pas assez clair, expliquer comme ça à la radio. Oui, c'est ça. Sur assemblagerequis.com. Ensuite, les trucs psychologiques des magasins. Ah, mon Dieu. Tu sais, les fameux 249,99 au lieu de 250. Ah, ben, Colin, c'est dommage pas cher. Ouais, c'est ceux-là, là. Je pense que, selon, on est au courant, quand même, on sait comment ça fonctionne, mais des fois, on finit par tomber dans le piège quand même. Pourquoi? Ben, parce qu'on a envie de tomber dans le piège. C'est vrai. On aime blâmer les magasins pour leur tactique manipulatrice. Donc, les magasins devraient être honnêtes, mais s'ils étaient honnêtes, on n'achèterait jamais rien. Hein? C'est pas fou. Sauf ce qu'on a besoin. Hein? Mais apparemment que c'est pas vrai. Lorsqu'on magasine pour des choses qu'on veut vraiment, on cherche une excuse, une raison arbitraire au hasard pour se dire que c'est correct de dépenser de l'argent. Et les magasins, eux, ben, sont corrects. Ils suivent juste le modèle de la psychologie humaine et ils essaient de rendre cette décision-là un petit peu plus simple. C'est le site de conseil de Middle Finger Project qui nous l'explique. En 10 ans. Si vous êtes déjà demandé bon, pourquoi un prix est à 199 au lieu de 200$, ben c'est pas parce qu'ils essaient de te corrompre ou essaient de te convaincre que c'est pas cher, mais c'est parce que nous cherchons une excuse d'arrondir vers le bas. Hein? C'est beaucoup plus facile de justifier la dépense de 200$, par exemple, versus de 200, d'un petit peu moins de 200$ versus 200$, parce que tu dis, Caroline, c'est en bas de 2$. Oui. C'est en bas de 200$. Une fois que tu mets, bref, on comprend le principe. Les magasins ne sont pas de gentilles personnes qui sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous encourager dans le vice. Mais c'est nous, à la base, qui sommes du genre à nous mettre dans le pétrin. En effet. Ensuite, on cache nos trucs de valeur à la plage ou dans le parc avec une couche pour enfants. Ooh. Très bonne idée. On a déjà parlé de plusieurs gadgets qui nous permettaient d'enfoncer des affaires dans le sol avec une vis, une grosse vis de plastique, des trucs comme ça, des coffres-forts, mettre ça dans votre soulier, peu importe. Ouais. Des bouteilles. On avait déjà eu, je pense, une bouteille de crème solaire qui, à l'intérieur, était un coffre-fort. Bref, des fois, ça peut être difficile à la plage ou au parc de garder ces trucs près de soi. Et ça, c'est un truc qui va déguiser vos trucs... vos affaires en quelque chose que les gens ne voudraient pas voler. OK. Donc, c'est le YouTuber Grant Thompson qui nous partage ce conseil-là. Donc, Thompson montre, en fait, que la prochaine fois que vous allez aller à la plage, au parc ou n'importe où, apportez une couche. Mettez votre téléphone, vos clés, votre portefeuille, peu importe, à l'intérieur de la couche et mettez votre couche à côté de la serviette de plage ou peu importe. Et tout va être, évidemment, super en sécurité parce que les gens ne voudront pas toucher à ça. C'est bien, ouais. C'est très fort. En effet. Pas obligé d'avoir votre enfant avec vous, là. Vous pourriez juste... mon enfant, il est sa place. Oui, c'est ça. Moi, j'ai sa couche. Ensuite, t'as pas l'air sûr de vouloir traîner une couche avec toi. Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Non. Ou peut-être, c'est vraiment pas mon genre. un sac de fausses crottes de chien. Arc. Mets tes trucs en... Non, ah oui, ok, ouais, je comprends. Ou tu sais, un vomi. Non, les trucs de farce et attrape. Là. Oui, ouais. Ok. C'est pas pire. Tantôt, on a parlé de la phrase « L'argent ne fait pas le bonheur nécessairement ». Bon, donc on dit que l'argent peut acheter le bonheur, mais seulement si tu sais ce qui va te rendre heureux. Donc, l'argent peut acheter bien des choses qui peuvent vous rendre heureux, bien sûr, mais ça peut aussi réduire votre stress. Le site de finances personnelles Yes and Yes nous explique que cette phrase-là est faite pour est faite pour être plus complexe. C'est une vérité difficile à comprendre. On dit que si tout dans la vie est nul, l'argent en tant que tel ne va pas rendre tout par magie plus intéressant. Ah, OK. Mais si tu sais ce qui va te rendre heureux, alors là, l'argent peut t'aider à te rendre à ton bonheur. Hein? Peut-être que ton bonheur dans la vie, c'est de voyager. Peut-être que c'est d'explorer ta propre ville. Ça peut être de passer du temps à faire des choses que t'aimes avec des gens que t'aimes. Dans tous ces cas-là, l'argent pourrait t'aider tant et aussi longtemps que tu sais quoi faire avec. L'argent peut payer, par exemple, pour un thérapeute qui pourrait t'aider à changer ton comportement que t'aimes pas. Hein? Oui. L'argent pourrait t'acheter, je sais pas, une inscription à un site de dating, peu importe, pour trouver l'amour. Oui. Je te parle à toi, Tania Baudin. Oui. L'argent peut payer pour, je sais pas, une livraison pour un repas qui va te rendre heureux et en santé, peut-être une salade, je sais pas trop quoi, à la place de manger une pizza. Donc voilà, l'argent peut rendre heureux, il faut juste savoir quoi acheter avec. C'est bien. Ensuite, on essaie d'éviter la phrase « j'ai besoin de » lors de négociations de salaire. On sait que t'as des factures à payer, t'as c'est pas mal tout le monde qui est de même, là. Pas mal. T'as le loyer à payer, mais t'as toujours besoin de plus d'argent. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait négocier un salaire. C'est vrai. Selon Lynn Taylor, l'auteur de Tame Your Terrible Office Tyrant, la phrase « J'ai besoin de » est probablement la pire chose que tu peux dire pendant une négociation de salaire. Elle a dit à Business Insider qu'en disant que tu as besoin d'argent pour des raisons personnelles, par définition, tu es en train de dire que ce n'est pas tes contributions au bureau ou à ton emploi qui font que tu mérites un meilleur salaire. Hein? Non, c'est ça. Donc, quand tu demandes une augmentation de salaire, tu ne demandes pas une faveur personnelle de la part de ton patron. En fait, tu veux juste être récompensé, avoir l'argent qui t'est dû pour du travail que tu fais bien. C'est vrai. Ouais. Donc, dans une négociation, l'autre partie veut s'assurer qu'ils aient, eux, le meilleur marché, si mm-hmm. on veut. Donc, si tu peux jouer là-dedans, tu vas avoir plus de chances d'avoir une augmentation de salaire. Voilà. Donc, pour des conseils de négociation de salaire, l'article est sur le site de l'émission. Ensuite, des endroits où tu perds de l'argent dans ta maison. Être propriétaire d'une maison ou sinon propriétaire, locataire d'un appartement, en fait, il y a des trucs, des affaires dans ton appartement qui vont en fait te faire dépenser de l'argent pour rien. OK. On connaît tous le principe des prises de courant, les vampires énergétiques, les appareils électroniques, les chargeurs qui aspirent du courant de vos prises, même lorsqu'ils sont éteints. Ça peut ajouter jusqu'à 10% sur une facture mensuelle. Ah, t'es-tu sérieux? Fait que t'es en train de me dire que je devrais tout débrancher ce qu'il y a dans mes prises de courant. En fait, tu pourrais t'installer un minuteur qui éteint ta prise de courant. Tu pourrais faire ça. Ah, OK. Ah, ben oui. Ça existe pour vrai. Au bureau, mais ça fait-tu une si grosse... 10% mensuellement, 10% de l'électricité que tu dépenses par mois. Et fait que, mettons, faudrait que je débranche mon grille-pain. Ben, j'imagine qu'il y a sûrement des appareils qui en prennent plus que d'autres. Ouais, c'est d'après ça. Moi, j'ai pas la liste devant moi, mais... Tu peux pas débrancher ton frigidaire. Non, absolument. Non, évidemment pas. Il y a des trucs qui doivent être branchés. Mais pour vrai, un petit minuteur, là, à l'endroit où je travaille, ma job 1, 2, 3, il y a un petit minuteur sur les cafetières. Ah, c'est bien, ouais. Pourquoi pas? OK. Ça coûte pas grand-chose, ces affaires. Ensuite, le chauffe-eau. Donc, isoler votre chauffe-eau et les tuyaux qui l'entourent pourraient réduire votre... les pertes de chaleur, ce qui va économiser entre 4 et 9 % sur l'eau chaude par mois. On approche 20% à date. Là. Mm-hmm. La machine à laver. Faire votre lavage sur l'eau tiède ou chaude coûte beaucoup plus d'argent parce qu'en fait, ça demande de l'électricité mais pour oui. chauffer l'eau, bien sûr. Tellement. Donc, changer pour de l'eau froide, ça va être non seulement plus doux pour vos vêtements, mais pour votre portefeuille aussi. Vous pourriez économiser entre 30 et 60 $ par année. La sécheuse, la mousse dans la sécheuse empêche l'air de passer. Ça a l'air que c'est terrible. Oui, et ça empêche tes vêtements de bien sécher. On peut économiser, on estime, 34 $ par année simplement en se rappelant de vider la trappe de mousse avant chaque cycle. Les thermostats, donc ne gaspillez pas votre énergie, votre électricité en faisant réchauffer ou en refroidissant votre maison, votre logement quand vous n'êtes pas à la maison. Un thermostat programmable peut économiser encore un autre 10 % sur votre facture mensuelle, non seulement d'air climatisé, de chauffage, etc. Donc là, on est rendu à un bon 40%. Mm-hmm. Ça va bien. Les filtres à air. Un filtre à air qui est sale dans votre système de climatisation peut faire descendre l'efficacité de votre air climatisé de 5 à 15 %. Donc, on recommande de vérifier le filtre des fournaises des airs climatisés une fois par mois. Oh, OK. Et ensuite, on a les ventilateurs au plafond. Bon, j'en ai pas, mais pour ceux que ça pourrait intéresser, on dit que c'est utilisé lorsque c'est utilisé en même temps que votre système pour faire réchauffer ou refroidir votre maison, les ventilateurs peuvent vous économiser de l'argent. L'été, on le fait tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour créer un effet sur votre peau qui va vous donner l'impression d'avoir plus froid, donc 4 degrés Fahrenheit plus froid. Et si l'hiver, en fait, on va inverser ça, on va aller dans le sens des aiguilles pour que ça réchauffe l'air et que ça vous réchauffe par le fait même. Je savais pas que tu pouvais inverser le sens d'un ventilateur au plafond. Ouais, et je vais me corriger pendant que j'y pense. On va tourner l'hiver à l'envers pour faire descendre l'air qui est déjà chaud. On va pas réchauffer. OK, ouais, je comprends. Dans ta cour, ensuite, on peut penser à faire comment est-ce qu'on appelle ça? Du design extérieur. Ouais. Voilà. Donc, ça nous dit le placement en fait exact de 3 arbres. Il y a une simulation par ordinateur disponible dans l'article. Ça va donner de l'ombre et ça va bloquer le sang. Et ça va faire en fait économiser entre 100 et 250 $ par année en électricité, l'ombre. Et finalement, les fenêtres, donc les fenêtres qui fuitent et les portes qui fuitent peuvent tenir entre 10 et 25 % de votre facture de chauffage. On dit d'utiliser des bandes adhésives, des plastiques, des trucs comme ça pour pas laisser l'air climatisé sortir ou encore l'air. L'air sortir. Rentrer. On se comprend là-dessus. Hein. Donc, c'est 9 endroits ou 9 choses en fait où vous pouvez économiser peut-être de l'argent dans votre maison. Oui, c'est bien, quand même. Il reste assez de temps pour terminer, je pense, les trois derniers. Hein. Donc, on va commencer à économiser maintenant. On revient sur les économies avec un investissement dès le départ, ce qui va vous aider, encore une fois. Tantôt, on a parlé de payer une dette avec un gros montant au départ. Oui, avec un gros montant, exact. Ça aide, mais de l'autre côté, c'est la même chose pour économiser aussi. Donc, économiser avec un gros montant dès le départ, c'est puis le garder, évidemment, en... ben, dans des comptes où tu peux pas retirer, c'est toujours le mieux. Oui. Oui, c'est difficile, hein? C'est très difficile. Exactement. Donc, l'argent dans votre compte, on a l'impression que c'est de l'argent qu'on peut dépenser. Hein? Souvent, on dit donc de mettre l'argent économisé dans un autre compte, par exemple le compte d'économie, souvent avec un taux préférentiel d'économie. Genre, chez Desjardins, là, c'est comme 0, quelque chose, là, ça vaut pas grand-chose. Ouais, non, magasinez votre compte d'économie, parce que 0, quelque, là, on s'entend c'est que... C'est pas beaucoup. Tant qu'à ça, mémoire rien, parce que tu vas le payer en impôt après quand tu vas faire ton revenu, là, ton retour. Bref, c'est le site de finances personnelles Mixed Up Money qui nous suggère que si vous dépensez cet argent-là sur un investissement, vous allez avoir l'impression qu'est-ce que ça dit? Je vais retenir de cet article-là à la place de le lire au complet, de mettre un gros montant dès le départ, ça va vous donner l'impression d'avoir économisé plus. C'est pas vraiment ce que l'article dit, mais ça ne tente pas d'aller plus loin ça. Et ensuite, on va focusser notre. Des fois, on est un petit peu radin. On essaie d'économiser en achetant des affaires moins chères. Tantôt, on a parlé de changer de marque, par exemple, pour une caméra GoPro. Donc, on dit de ne pas nécessairement faire attention à tous les petits achats. Okay. Et en prenant, mettons, la marque magasin, à la place, focussez votre frugalité, qu'on appelle, je sais pas si ça se dit en français, mais sur des gros appareils qui seraient moins chers. Moins chers, je suis d'accord. Ça irait mieux que de tout le temps y aller avec les petites scènes pour, t'sais. Bref, c'est une question d'efficacité d'argent. Ne pas perdre votre temps, comme on a dit. Et pour l'efficacité maximale, on devrait focusser sur les éléments les plus chers et non pas les éléments les moins chers. C'est Shendil Mullainathan, auteur de Scarcity, Why Having Too Little Means So Much, qui nous explique que la plupart des gens font un effort d'économiser sur des trucs qui sont pas chers et pas assez d'efforts sur les choses chères qui font vraiment une différence. Donc la décision a du sens. Par exemple, sur les écouteurs, on pourrait économiser quelque chose comme 20% versus 3,75% pour un autre achat. Donc ça pourrait valoir plus la peine d'économiser sur des grands achats. Et pour terminer, on dit de décider ce que vous êtes prêt à payer pour quelque chose avant même de regarder le prix. C'est pas fou, ça, je fais ça souvent, honnêtement. J'aime ça, moi aussi, pour vrai. Tu donnes une limite, un budget, évidemment. Je fais ça pour les cadeaux de Noël. Ben oui, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben les gens ne savent pas. Ben non, exactement. Donc, dépenser d'un petit peu n'importe comment, c'est sûr que ça va défaire votre budget. Une façon de ne pas dépenser, de ne pas surdépenser, c'est de décider combien vous voulez dépenser dès le départ avant de regarder le prix. C'est encore une fois le blog Yes and Yes qui dit que lorsqu'on voit quelque chose qu'on veut acheter mais dont on n'a pas nécessairement besoin, pensez à combien vous paieriez avant de regarder le prix. Oui. Donc, par exemple, tu vas dire, je sais pas, je paierais 7$ pour ça. Et là, tu regardes le prix, c'est 35$, tu l'achètes pas. Simple, ça a l'air assez évident, mais créez-vous une petite règle, comme ça vous allez penser. C'est très intelligent de faire ça. Dépenser, j'aime ça. Donc c'est un truc qui prend 5 secondes, d'ailleurs ça s'appelle le My 5 Second Money Saving Trick sur Yes and Yes. Voilà, c'est tout pour les instructions d'assemblage, on a fait le tour de plein de conseils, on va en retenir quelques-uns là-dedans, j'en suis certain. On est dû pour une petite pause, tout par à contre, fait. Pour penser mieux. T'as bien raison. Faire les achats de nos merveilleux commanditaires. Gérer notre budget. C'est ça. Et on revient avec ta deuxième chronique, Tania Gonnet, tout Tania. Certainement. Merci. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'émission Assemblage Ricky avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh que oui. Oh qu'on a du fun comme toujours. Tout à fait. Il nous reste encore le tiers de l'émission environ. D'ici la fin, on va goûter à quelque chose de mystérieux dans une grosse pointe à l'adresse. Avec un petit peu de retard, mais j'espère qu'on va être capable de trouver quelque chose de différent à dire sur ça. On va bien voir tout à l'heure. Ça devrait. Oui. On va parler de documentaires aussi avec toi dans quelques instants. Oui. Netflix? Tu vas voir Netflix, YouTube, Radio-Canada. Ici Radio-Canada. Ici Radio-Canada. Mais avant ça, une petite pièce musicale du palmarès anglophone, c'est par la formation Slade, c'est sur l'album Summery. Donc, estival, si on veut. Oui, tu parles de Yellowknife. Bien sûr. sur C'est Fou 89 FM. Ici, c'est fou. Tellement différent de ce qu'on fait jouer à l'habitude. Slade avec Yellowknife sur l'album Summary, assemblage requis. Est-ce que t'aimes ça, ce genre de musique-là? C'est pas nécessairement mon genre. Je te dirais qu'en secondaire 2, ça aurait été exactement. C'est un groupe de pré-ados. Bref, il y en a comme ça. Hein? On vous juge pas du tout. Maintenant, c'est le moment de la deuxième chronique de Tania. Ouh, c'est Tania, it's gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain. J'aurais pu pré-enregistrer cette intro-là puis. T'aurais pu. Mais c'est le fun d'improviser. Oui, c'est ça. Ouais. Bref, on parle de documentaire cette fois-ci. Oui, tout à fait. Une fille de classe aujourd'hui. Ben, pas nécessairement, mais j'aime quand même assez faire différent. Oui. J'écoute des séries télé assez souvent. C'est pas mal ce que j'écoute le plus souvent. Mais parfois, j'aime ça écouter des choses que j'ai pas l'impression que mon cerveau ramollit. Pour apprendre. Exactement. Donc, j'ai pour vous Docteur quelques... Mamour, c'est bien beau, là, mais... C'est quoi Grey's Anatomy? C'est ça, ouais. Mais j'ai pour vous quelques documentaires, surtout sur la planète Terre. En fait, je vais vous expliquer un petit peu. C'est qu'il y a un article d'un site que je nommerai pas qui apportait en fait 13 idées de documentaires à écouter. Pas le sac de chips, toujours. Non, pas le sac de chips, mais c'est un site un peu comme dans le sac de chips, je te dirais. C'est pas le site le mieux référé au monde. Merci beaucoup, Mathieu. Yes! Mais il y a certains des documentaires qui étaient énumérés là, qui semblent semblait vraiment très intéressant. Alors, je me suis lancée à leur recherche, tout simplement pour en apprendre un petit peu plus. Et j'ai lancé dans tout ça quelques recherches à moi-même, sans nécessairement prendre exactement les mêmes documentaires. Et je suis arrivée à 3 documentaires qui me semblaient extrêmement intéressants sur la planète Terre, sur les humains et aussi sur la nature. Donc, le premier que je vais vous présenter en temps normal, vous pouvez le regarder sur Netflix. J'imagine qu'il est aussi trouvable un petit peu partout sur Internet parce qu'il est sorti en 2011 et c'est une série documentaire. Donc, c'est en plusieurs épisodes. C'est pas nécessairement un long documentaire que vous allez pouvoir regarder en one shot parce que c'est quelques épisodes de 50 à 60 minutes. Donc, c'est vraiment... vous le tapez d'une soirée au grand complet. Ça dépend... Faites ce que vous voulez. C'est ça. Faites ce que vous voulez puis ça dépend de comment est-ce que vous voulez vous instruire. Mais ça s'appelle Planète des Hommes ou Human Planet, si vous voulez l'écouter en anglais. Donc, c'est une série où on sillonne vraiment le globe en entier pour étudier les liens qui existent entre les humains et le monde naturel. Dans plusieurs climats différents, dans plusieurs milieux différents, mais aussi dans des situations différentes. On le sait ici au Québec, OK, niveau nature, niveau humain, ben, c'est pas ce qu'il y a de plus incompréhensible au monde. On s'est adapté un petit peu et on est en ville, donc c'est très différent. Mais si on va, par exemple, dans un autre continent, si on va dans la jungle, bien, il existe quand même des humains qui vivent là, qui vivent vraiment en lien extrêmement direct avec la nature et ça devient un petit peu leur quotidien. Leur mode de vie. Leur mode de vie. Et on se demande aussi comment est-ce qu'ils sont capables d'exister entre ces fameux liens-là en étant si près de la nature, en connaissant pas nécessairement les technologies que nous, on connaît, en n'ayant pas nécessairement les voitures que nous, on est. Et on n'est pas si loin non plus sur la planète. Là. On vit tous sur la même planète, on vit tous en 2017, mais leur avancée est tellement moindre que la nôtre que de comprendre comment est-ce qu'on peut justement arriver à un monde si différent. Si on part, par exemple, des États-Unis et la jungle, l'Amazon, bien, c'est complètement deux choses différentes. Donc, on suit John Hart, qui est un petit peu notre chercheur dans ces documentaires-là. Et comme je le disais, c'est 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes. Donc, c'est environ... 8 heures, disons ça comme ça. Wow! Où on peut justement en apprendre on en apprend vraiment plein, que ce soit par exemple sur les océans, sur les déserts, on parle de l'Arctique aussi, les fleuves, les villes, on va avoir cette espèce d'optique-là de comment est-ce qu'on s'est adapté. On peut y aller aussi dans les montagnes, donc ce sont vraiment des épisodes qui sont très très différents les uns des autres, mais où on essaie toujours de comprendre comment est-ce que l'humanité s'est adapté et comment est-ce qu'on continue aussi à s'adapter en ce jour. Donc, c'est une série télé, c'est une série qu'on peut dire socioculturelle sur les voyages, sur les aventures aussi, mais surtout sur l'être humain. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai écouté 15 minutes du premier épisode parce que, mon temps de recherche... Mon temps de recherche ne me permettait pas de pouvoir me taper les 8 épisodes un après l'autre, mais c'est chose que je vais faire assurément. On n'a pas de stagiaire, rien. Non, nous sommes nos propres recherchistes et nos propres stagiaire. C'est ça, on stable notre recherche nous-mêmes. Donc, c'est très intéressant. Ça a été lancé par Netflix. C'était original de Netflix au départ, sachez-le. Donc, c'est pourquoi vous pouvez le retrouver, bien évidemment, sur le site de Netflix ou sur votre télévision. Quelle origine? Est-ce que c'est britannique? C'est américain, si je me souviens bien, Mathieu. Dans l'accent, je parle, mettons. Il n'y a pas d'accent britannique. Oui, non, c'est ça. Parce que des fois, ça peut être difficile à comprendre pour un public québécois. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça a été traduit en français aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est comme je le disais, c'est une série de documentaires qui explore vraiment là, l'interaction des humains avec le monde naturel dans lequel ils vivent. Et on aborde vraiment de nombreux sujets. On parle de l'élevage, par exemple, des rennes en Norvège. Ah, oui. Et on va aussi au déglaçage à Ottawa. Donc, on fait un petit peu le tour du monde. Il y a un petit peu d'un côté de chez nous là-dedans. Donc, c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de commencer à toutes les écouter. Mais ça va certainement nous en apprendre un petit peu plus aussi sur l'être humain en 2017, ou du moins en 2011, quand ça a été créé, il y a 6 ans, pour comprendre un petit peu, parfois, un petit peu mieux ce qu'on vit ailleurs, autre que dans notre propre chez-soi. Notre beau cocon. Donc, c'est Human Planet ou Planète des Hommes en français. Ça a été traduit là, sur Netflix, alors si jamais ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous pouvez écouter. C'est le cas. Le deuxième documentaire dont je veux vous parler, c'est un documentaire qui est sorti récemment, extrêmement récemment, ça fait quelques semaines en fait. C'est le documentaire anglais de BBC qui s'appelle The World in 2050. Donc pas 2015, mais bien 2050. Et c'est le futur réel de la planète. On parle surtout du futur des énergies dans ce documentaire-là, du moins pendant les 15 premières minutes, encore une fois. Hey, t'as regardé pas mal de 15 minutes, c'est cool. Ouais, ben ouais. Je voulais un petit peu comprendre de quoi j'allais parler, ça, exactement. Hein. Et ça m'a allumé beaucoup parce qu'on fait la différence entre ce qu'on a aux États-Unis et ce qu'on a présentement au Brésil au niveau de l'énergie. Mmh. On le sait ici, on essaie d'y aller de plus en plus électrique, on essaie d'y aller de plus en plus énergie verte. On essaie un petit peu de réduire justement tout ce qui est pétrole, tout ce qui est gaz à effet de serre et tout ça. Et au Brésil, on a vraiment une avancée qui est beaucoup plus grande qu'ici. C'est qu'on essaie d'y aller avec les cannes à sucre directement pour pouvoir arriver à une énergie qui va nous faire fonctionner, mais qui va faire fonctionner aussi les voitures. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est qu'on change un petit peu les cannes à sucre, on change le sucre en éthanol, et c'est de cette façon-là qu'on va exploiter l'éthanol pour en faire de l'essence. Donc, du côté du Brésil, on n'y va plus nécessairement, du moins pas encore à notre pleine puissance qu'on pourrait, mais on essaie d'éliminer le pétrole de plus en plus et on essaie d'utiliser nos propres cannes à sucre pour développer cette méthode d'utilisation de l'essence qui va être probablement beaucoup plus grande dans quelques années encore. Donc, c'est très intéressant. Mais ce qu'on peut aussi comprendre dans le documentaire, c'est que le Brésil ne pourrait pas, par exemple, décider de propulser ça à un très grand niveau parce que le nombre de cannes à sucre serait beaucoup trop moindre pour arriver à faire le nombre d'essence qu'on aurait besoin du côté du Brésil. Donc, on voit un petit peu les deux côtés de l'énergie verte, mais aussi l'énergie verte qu'on va devoir exploiter de plus en plus parce qu'on est à un niveau où on a tellement exploité le pétrole jusqu'au moment où on n'a plus nécessairement le choix de trouver une autre solution. Là, l'autre solution, elle devient extrêmement pressante. Donc, de devoir se presser, justement, ça amène des répercussions qui pourraient être aussi un petit peu plus négatives à ce niveau-là. C'est qu'on serait en train de quasiment enlever toutes les cannes à sucre du Brésil pour en faire de l'essence, chose qui deviendrait un petit peu plus compliquée, surtout au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau de l'agriculture, parce qu'il y a des gens pour qui les cannes à sucre, c'est leur gagne-pain. C'est de devoir récolter ces fameuses cannes à sucre-là. Et si on enlève tout ça, qu'on en fait de l'essence, ben ça enlève des métiers, veut pas. Donc, on essaie du côté du Brésil de pouvoir développer quelque chose d'autre. Je parle du Brésil parce qu'on en parle durant les 15 premières minutes du documentaire, mais il y a aussi tous les autres aspects de la Terre. Vous allez voir, on visite vraiment le globe en entier pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté de l'énergie dès 2050, parce qu'apparemment, que si on fait rien, l'année qui va être assez critique pour la planète Terre, c'est vraiment 2050. Donc, on essaie vraiment de voir dans ce documentaire-là où on peut aller au niveau des énergies, où on peut aller au niveau de la planète, parce que la planète va bien évidemment changer aussi parce qu'on n'arrête pas de mettre des gens au monde, malgré tout. Donc, il y a cette espèce de côté négatif de l'être humain-là qui est aussi perçu dans ce documentaire-là et ça a l'air extrêmement intéressant. C'est un documentaire d'environ 40 minutes. On parle d'une 38 là, minutes sans pause publicitaire. Donc, vous en avez vraiment pour pas trop longtemps à écouter ce documentaire-là. Il est seulement en anglais pour le moment. Il n'a pas encore été traduit, du moins je ne l'ai pas trouvé en français. Mais c'est très intéressant de voir justement où les chercheurs vont pouvoir aller regarder, vont pouvoir aller analyser ce que notre futur au niveau de l'énergie pourrait ressembler dans quelques années. Parce qu'on s'entend, 2050, ça peut paraître loin, mais c'est pas tant loin que ça. c'est même pas 45 ans. Ouais. Donc, c'est on avance dans le temps. Exactement. Donc, c'est Welcome to 2050, quelque chose comme ça. The World in 2050. The Real Future of Earth. Ça va être... c'est très intéressant. Ouais. Très, très, très intéressant. Tout en faisant vraiment peur. Exactement. C'est surtout ça aussi, la chose avec les documentaires, c'est que la plupart des documentaires nous présentent une problématique en partant. Donc, veux pas, si on accentue cette fameuse problématique-là. On se rappelle du documentaire que Leonardo DiCaprio a fait sur les changements climatiques il y a quelques temps. Si jamais vous voulez l'ajouter à cette liste de documentaires à regarder, faites-le. Je me souviens plus du titre exact du documentaire de Leonardo DiCaprio, mais je vais essayer de vous trouver ça en quelques secondes. Mais C'est un documentaire qui, justement, expose une problématique qui est celle du réchauffement planétaire, qui est celle du réchauffement climatique. Donc, veut pas, à un certain point, on accentue cette fameuse peur-là parce qu'on s'informe par rapport à ces problématiques-là qui sont exposées dans les documentaires. Et tu cherchais « Before the Flood », avant le déluge. Exactement, avant le déluge. Je ne sais pas si toi, tu l'as regardé. Non. Moi, je l'ai écouté de A à Z. C'est excellent. Et on réalise vraiment, en écoutant ce genre de documentaire-là, qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup de choses par rapport au système climatique du monde entier. Hein. Le troisième documentaire dont je veux vous présenter, il est sorti déjà il y a quelques mois. Il a été traduit, en fait, de l'anglais. Encore une fois, c'est du documentaire de la BBC, mais on l'a traduit en français il y a déjà quelques années de cela. La première partie était sortie, ça s'appelait Planète Terre. Là, on a sorti Planète Terre 2. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est 6 épisodes qui sont racontés par nul autre que Charles Tisser. Ah. Ben oui, de Découverte, qu'on adore sa voix, qui vraiment nous rend plus intelligents juste à l'écouter. Donc, la série dresse un portrait, en fait, qui est quand même assez saisissant. Tout à l'heure, on parlait de la vie qu'il y a entre les êtres humains et la nature. Eh bien, là, on vient parler de la vie animale selon une perspective qui est complètement nouvelle. Ça a été filmé dans 40 pays sur une période de 4 ans et Planète Terre 2 arrive 10 ans après la première série qui avait été vraiment acclamée, qui avait été adorée par les gens, par les téléspectateurs à travers le monde. Il avait été traduit en plusieurs langues et ça va être chose faite pour le deuxième documentaire aussi. On a déjà commencé par le traduire par le français, donc c'est fait et il a été télédiffusé lorsqu'il est sorti, c'est un petit peu plus tôt en avril que vous avez pu le voir par exemple à Radio-Canada. Mais chacun des 6 épisodes dure 60 minutes et on explore un milieu qui est naturel dans lequel va évoluer une faune d'une beauté à couper le souffle. On parle de jungles qui sont luxuriantes par exemple aux déserts qui sont extrêmement secs en passant par la tumulte des villes, les différents protagonistes du règne animal, mais on se concentre surtout sur les animaux. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant. On a pu voir, par exemple, dans le premier qui était Human Planet, le lien qu'on a entre la nature et les êtres humains. Dans le deuxième documentaire qui est The World in 2050, c'est vraiment tout ce qui entoure l'utilisation des humains, tout ce qui entoure l'énergie qui est produite par les êtres humains. Et dans le troisième, c'est vraiment les animaux. Donc, ce sont 6 épisodes où vous pouvez, par exemple, vous présenter les jungles, les déserts, les villes, mais tout ça vraiment entouré par les animaux, par exemple, de montagne, les animaux de ville. Comment est-ce que ces animaux sont capables de s'adapter à travers les années, à travers les changements aussi climatiques, mais aussi, si on fait un lien entre les trois, par exemple, documentaires, au côté écologique, au côté planétaire, est-ce que les animaux ont une tendance à s'adapter beaucoup plus rapidement ou on est en train de les regagner au niveau de leur adaptation par rapport à tout ce qui change? Est-ce que le CO2, ça a une grosse différence sur les animaux qui nous entourent? Est-ce que ça fait pas de différence? Bien, c'est vraiment dans ce documentaire-là que vous allez pouvoir voir tout ce qui entoure les animaux et le vieillissement de la planète et le vieillissement de ce qui nous entoure. Donc, c'est trois documentaires que je me suis dit qu'elle allait être extrêmement intéressant à écouter. Qu'elle allait être extrêmement intéressante aussi à dévorer parce que c'est une plénitude de documentation, d'informations. Et ça, comme on disait tout à l'heure, ça change un petit peu de la matière molle qu'on peut voir dans d'autres séries télévisées une fois de temps en temps. Donc, de se taper 2-3 documentaires là, au lieu de 2-3 épisodes de 42 minutes. Tu peux faire les deux aussi. Exactement. Ben oui, tout à fait. Ben oui. Et si on varie, bien, ça nous en laisse pour plus tard. Donc, quand même, on s'instruit malgré tout. Tu as les 15 premières minutes de regarder, il va falloir que tu regardes les 30 dernières minutes de chaque. Est-ce que tu te rappelles où t'es rendu? Est-ce que t'as fait pause à un moment clé? Exact. C'est ça qui est assez difficile. Mais ça m'a amené toutes ces recherches-là pour les fameux documentaires sur un article qui est sorti cette semaine. Un article de Radio-Canada sur... Ils sont fins, eux autres. Oui. Sur une découverte qu'on a fait récemment. En fait, on a fait une découverte de 91 volcans sous la calotte glaciaire en Antarctique. Wow! On le savait déjà qu'il y en avait, OK? On savait qu'il y avait déjà 47 volcans qui étaient sous la calotte glaciaire, mais là, on en a fait la découverte de 91 nouveaux à 2 km sous la côte ouest de l'Antarctique, et ça devient une des régions volcaniques les plus vastes au monde. Mais si on ajoute à tout ça le fameux réchauffement climatique, ça devient un petit peu inquiétant parce que est-ce que ça amène des conséquences? Est-ce qu'il y a des potentiels désastreux par rapport à tout ça? C'est une découverte qui a été issue d'une étude qui a été produite par des géologues de l'Université d'Edinburgh et qui a été publiée dans The Geological Society. Okay. Et qui a de quoi inquiéter les scientifiques, en fait, parce qu'on se ramasse avec vraiment beaucoup de volcans. Ah, c'est ça, si les scientifiques se soucient de quelque chose, il faudrait probablement s'en soucier. C'est ça, donc s'il y a un de ces volcans-là qui entrait, par exemple, en éruption, parce qu'on a un réchauffement climatique qui est de plus en plus grand, la calotte glaciaire devient de plus en plus petite, ça pourrait faire en sorte que la chaleur de ces fameux volcans-là pourrait arriver à une éruption. Il y a la couche de la glace dans l'ouest de l'Antarctique qui a déjà affecté par les changements climatiques, comme je viens de le dire, et ça pourrait être complètement déstabilisé dans les prochaines années. Donc, pour trouver les volcans sous la couche de glace, les chercheurs ont utilisé un radar, en fait, qui permet de détecter du basalte. C'est une roche volcanique qui provient du magma qui a été refroidi, et les pointes de ces roches-là qui sortaient au-dessus de la glace ont permis justement aux scientifiques de pouvoir les retrouver. On s'entend, c'est 91 volcans, c'est pas comme 2-3, là. C'est 91 volcans et ça devient la place où il y a le plus de volcans sur un terrain vaste sur la Terre. Donc, ça inquiète les scientifiques parce que ça peut être assez problématique à un certain moment, mais c'est ce genre de documentaire-là, comme les trois que je viens de vous présenter, qui peut nous amener justement aussi à se poser le genre de questions de... Oui. Qu'est-ce qu'on va faire si jamais ça pète? S'intéresser à ça et se faire peur. Exactement. Donc, on souligne en fait une tendance alarmante. Les endroits où les activités volcaniques les plus importantes ont été remarquées se trouvent justement dans des régions qui ont récemment perdu leur couche de glace. On commence à réaliser de plus en plus que, vu que le réchauffement climatique fait descendre les couches de glace, et à la fin des dernières périodes glaciaires, ça fait en sorte qu'on retrouve de plus en plus de volcans qui pourraient entrer en éruption. L'Alaska, l'Islande sont des exemples où on a trouvé justement récemment des volcans qui se trouvent sous des couches glaciaires, mais cette couche glaciaire-là commence à tout simplement fondre. Donc, dans pas long, on va peut-être se retrouver avec un Antarctique où il va y avoir des volcans plus de glace. Hey, ça fait peur. C'est... Ça va faire des beaux documentaires, mais... C'est inquiétant, mais ça va faire des beaux documentaires. Et d'ailleurs, si vous allez regarder le documentaire de Leonardo DiCaprio qui est Before the Flood, vous allez voir où on va justement mettre les pieds en Antarctique. Mm. On en parle de ce genre de Et Leonardo DiCaprio, il est hot, fait que déjà, il contribue au réchauffement climatique. Exactement. Changement climatique. C'est merveilleux. voilà. Ouais, au début de... Je sais que je suis vraiment très, très fatigué, là, et les gags me viennent moins facilement que d'habitude. Au début de ton article, tu as dit qu'il y avait 91 volcans qui ont été découverts sous la calotte glaciaire. Oui, plus 47 qui étaient déjà là. C'est ça. Et ils ont aussi fait des rénovations au centre commercial Les Rivières. Ils ont trouvé 91 douches enterrées en dessous du magasin de calotte Lids. Ah oui! Ben oui, tu savais pas ça, hein? Non, je savais pas. Tu vois, je pense que j'aime mieux m'intéresser à l'Antarctique qu'aux douches en dessous du lit. J'étais quand même intéressé par le fait qu'ils sont en train de creuser devant la halle garderie à côté. Oui, ils sont en train de faire des rénovations, je crois. Ah, OK. Je sais pas trop ce qui se passe. Je pensais qu'ils voulaient cacher les enfants morts. Du côté de la halte garderie, là, mais bon, c'est... Il y a eu plusieurs, hein. Oui, c'est ça, ils ont pas survécu. mauvais goût. Gag de mauvais goût. Merci, Tania, pour tes documentaires. Ça fait plaisir. Allez écouter ça. Informez-vous. Rendez-vous intelligent, du moins un petit peu plus. Ouais, c'est moins stupide. Donc, Human Planet, The World in 2050, Before the Flood et Earth 2. Planète Terre 2. C'est ça. Exactement. Voilà. Merci, Tom. Ça fait plaisir. Alors, on prend une pause au retour. Il nous reste deux segments. Donc, le segment de dégustation d'une grosse motardresse et le segment de nouvelles de fast-food. Oui. Mais pour l'instant, dans quelques minutes, on va goûter à quelque chose de mystérieux et de croustillant. Ça me lâcherait qui reste là. Aujourd'hui. gentil pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh, que oui! Oh oui, on est là pour la semaine du 14 août 2017. L'émission, en passant, est en direct les jeudis après-midi à 14h. On dira les heures de rediffusion plusieurs fois plus tard, mais on passe quand même les samedis à midi et les mercredis à 11h. Maintenant, c'est le moment qu'on attendait depuis le début de l'émission, se remettre un petit peu sur le piton, hein, je pense. Mm-hmm. Avec une grosse pointe en dresse. Wouhou! C'est une grosse pointe d'adresse, la chronique où on goûte à un produit du tiroir. C'est-à-dire un produit que je garde dans mon tiroir pendant la semaine, que j'ai acheté soit à l'épicerie, en dépanneur, en pharmacie, dans une rangée malsaine qu'on devrait moins fréquenter. Parce que des fois, il y a des douches. Exactement. Des douches du Lidl. Donc, le produit que je t'amène aujourd'hui, Tania, c'est quelque chose, je sais, je suis vraiment en retard. Là. Je m'assume là-dedans, ça fait des semaines que c'est sorti. Tout le monde, j'imagine, a déjà eu le temps d'y goûter. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps, c'est-à-dire toi et moi, j'espère... Ouais. Est-ce que t'as une idée? Non, vraiment pas. C'est une saveur mystérieuse. Il faut deviner ce que c'est. Non. C'est sucré, c'est salé. C'est salé, croustillant. Des chips. Des chips. C'est les Pringles, saveur mystère. Ah, t'as pas j'ai vu jamais ça? Vu ça. Ben, Colin, c'est le fun parce que... Tu vois, je sais pas là. Ben, voilà. Excitant. Et moi aussi. Devinez la saveur pour courir la chance de gagner 10 000 $ nous dit-on, sur le côté de la boîte. Donc, on doit trouver les 5 indices qui sont dans le chasse aux mots. La okay. chasse aux mots. Moi, j'appelle ça un mot mystère, d'habitude. Ouais, c'est ça. Apparemment, qu'il y a des mots cachés dans les lettres derrière qui forment un point d'interrogation. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lettres, là. Et au premier regard, là, j'ai de la misère à même trouver un seul mot. Mon Dieu. J'ai de la misère. J'en vois pas. À moins qu'il soit à la verticale, en diagonale. Pinot, comme dans du pinot noir. Ah, peut-être. Aucune limite. Donc, c'est pas mal ça pour le devant, l'emballage, qui est très, très blanc. Là. On a vraiment un point d'interrogation avec des lettres, mais le reste, il y a une loupe, le logo de Mystery Flavor, saveur mystère, et le hashtag Défi Mystère ou Mystery Challenge. Évidemment, les ingrédients, pommes de terre déshydratées, huile végétale, farine de maïs, semi-don de maïs, farine de riz, assaisonnement. Les assaisonnements, il y a vraiment beaucoup de choses dedans, hein, vraiment. Maltodextrine, mono et diglycéride de sel, acide citrique et amidon de blé. Ça contient les ingrédients du lait et du blé. On dit qu'il n'y a aucun acheteur requis. Prend fin le 31 décembre 2017 à 23h59 heure de l'Est. Ouvert à tous les résidents du Canada ayant atteint l'âge de la majorité. Pour participer, publiez ce que vous croyez être la saveur mystère Pringles sur le fil Twitter ou la page Facebook de Pringles Canada, accompagné du mot-clic Défi Mystère. Un prix de 10 000 $ canadiens à gagner. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Une question réglementaire sera posée. Pringles.ca pour le règlement. Sinon, pour vrai, il n'y a rien à dire de plus. Je lisais ça parce que j'avais rien d'autre à dire. Ça dit, bien sûr, le slogan sur la canne, ça dit « Faites bien plus que les manger ». Oh, OK. En anglais, Lichez-les. You don't just eat them. OK. Évidemment, ce sont les Pringles. On s'attend à ce qu'elles soient pas en miettes dans la bouteille, dans le... Oh, tu veux... Ça va faire des miettes si je te lance. OK. Je te lance, attention. Youpou! Yeah. Le micro magique qui nous attend pendant 7 jours à chaque semaine. Exactement. Est prêt. Je suis prête. J'ai comme peur que ça sente vraiment mauvais quand je l'ouvre. On dirait que tu penses qu'il va y avoir des serpents, tu sais, comme... Ouais, les... comme les fameuses boîtes à surprise, là. Le classique dessus collant. Ah, qu'est-ce que ça sent? Oh. Décris-nous l'odeur. Pour les gens qui ne sont en pas attirés dessus. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a comme une odeur fromagée dans tout ça. Il y a toujours du fromage quelque part là-dedans. Fromagée, mais pimentée un peu aussi. Ah. Je crois que je vais m'en prendre deux pour être certaine de bien... Juste deux? Oui. Je te repasse la boîte et okay. Dis-moi à quoi tu trouves que ça sent? À quoi tu trouves que ça sent, oui? Qu'est-ce que... Très bien dit, très bien. À quoi ça te fait penser? Pour vrai, ils sentent un petit peu le fromage. Le fromage? Ouais, mais... Un petit peu de piment? Ça sent quasiment... Attends un peu. Avec les allergies, c'est difficile. C'est ça l'affaire. Je suis d'accord pour le piment. Ça sent les Pringles normal. Ça sent un peu fade, j'allais dire. Ça sent les ailes de poulet. Ah! Attends. si tu pognes vraiment beaucoup d'épices, là. Tu sais, les fameuses épices là, qu'il y avait des ramen au bœuf, là, dans le temps. Oui, t'as raison. Ça sent ça. Ça sent les, même les nouilles ramen en tant que telles. Oui, ben c'est peut-être ça. Ça se peut, hein? Soup tong wong. One tongue. One. Non, mais tu sais... I want to pong. Les soupes thaïlandaises. Ouais, ouais. On goûte? On y goûte? Oh mon Dieu, il y a le fromage là-dedans. Vraiment, hein? Non, ça goûte... ça goûte un peu les petits poissons. Les petits poissons en biscuit. Tu trouves? Non. Fromage? Ouais, fromage. C'est ça, c'est fromagé. C'est quelque chose de gratiné. Peut-être soupe à l'oignon gratiné. Est-ce que c'est un mets? Ça dit saveur mystère au singulier. Mais ça j'aurais dit, mettons, quoi. Aile de poulet et ranch. Ah, c'est pas fou. Ça aurait du sens. Mais je me demande si ça va pas être quelque chose de vraiment comme super complexe que personne peut avoir pour pas que le 10 000 piastres soit gagné. Peut-être. C'est genre, aile de poulet, ranch, ouais, gratiné... Gratin de poulet et... au four à 350. Ouais. Ben, j'essaie de déceler une autre saveur, peut-être, mais... C'est super bon, mais ça goûte à rien de spécifique. Je vais prendre 2-3 fois avant. Ça pourrait goûter aussi la crème sure. Un peu. Tu sais, crème sure et oignon, là. Ouais. Oignon, ben, je pense que... Je pense que pour vrai, soupe à l'oignon, c'est pas fou. Soupe à l'oignon gratiné, ça ferait du sens. Ouais, ça aurait du sens, mais ouais. Ça aurait du sens, ça ferait du sens? Non. Ça ferait pas de sens. Pourquoi? C'est un running gag, mon ami. On dit ça ferait du sens, ça dit. Ah, ça me fait rien. Ça me fait juste rien, pas pour toi. Je sais pas pour elle de poulet. On dirait que je sais pas si je trouve ça bon, en plus. Non, c'est bon, non. Ça, je trouve que c'est très, très bon. Mais t'en manges pas une boîte complète, là? Non, et je pense... Pour vrai, s'il y avait la vraie saveur dessus, genre, mettons, soupe à l'oignon, là, il y a personne qui l'achèterait. Probablement. C'est peut-être pour ça que c'est saveur mystère. C'est ça. C'est réussi comme concept, pour vrai. C'est vrai. Je pense que, tu sais, t'avais Lay's avec les produits bizarres que les gens suggéraient, et là, t'as Pringles qui fait ça. Je pense que c'est pas quelque chose qui serait là à chaque année. Je sais pas si c'est déjà le cas. En fait, j'ai jamais vu passer ça. Peut-être que c'est le cas à chaque année, j'en ai aucune idée. Pringles saveur mystère, hashtag défi mystère. Va sur Twitter, Tania. Ah. Tu peux gagner 10 000 $. Moi, je vais y aller avec la crème, la soupe à l'oignon gratinée. Ben, je pense que je vais y aller avec toi là, pour la soupe à l'oignon gratinée. Fait qu'on sépare ça. Ouais. Cool. OK. Je sais pas comment ils vont faire pour déterminer un gagnant s'il y a plusieurs qui ont la saveur. Je sais pas, hein. C'est le premier qui l'aurait pordu. Ah, ben là, maudit. J'espère que c'est pas ça. J'aurais pas dû le garder pendant un mois dans mon tiroir. Hein? Je mets mon pouce en l'air pour ça, moi. Est-ce que tu crois que si on va chercher sur Internet, c'est quoi? Les gens vont dire ce que c'est. Ouais. J'ai vu des suggestions sur Facebook. Quelqu'un disait genre poulet cru. Poulet cru? Poulet cru. C'est dégueulasse. Genre saveur de salmonellose. Ouais, c'est ça, rien de mieux. Je vais aller chercher, honnêtement, sur Internet. Le hashtag en anglais, c'est le plus de réponses, c'est Mystery Challenge. En français, défi mystère, sans okay. accent. Twitter.com. Ah, Twitter, quelle belle place pour perdre du temps. Comme Donald Trump. On aime ça. Voilà, donc, est-ce que t'as donné ton pouce? Pouce en l'air, pouce sur le côté, pouce moi, en l'air. Moi, j'ai y allé pouce en l'air, pouce en l'air. J'adore la saveur, pour vrai. Moi, maintenant que je sais que j'aime cette saveur-là, ça me tente d'en racheter d'autres. Ouais, j'aime bien. Okay. Les ramen, t'as pas tort là-dessus aussi. C'est quoi le hashtag? Mystery Challenge Défi Mystère. Mystery Challenge. Cherche là-dessus pendant que je dis aux gens de rester avec nous parce que plus tard, ça va être le bloc de nouvelles fast-food dans quelques instants. Mais avant ça, je pense qu'on devrait s'écouter une petite chanson là, parce qu'on n'a pas eu le temps tant que ça de respirer un peu aujourd'hui. On a tellement de bonnes pièces dans le palmarès, ça se peut même pas. T'as trouvé quelque chose? Il y a quelqu'un qui pense que c'est de la soupe poulet et nouilles. Ouh! Avec un petit partenariat avec genre... Mais il n'y a pas de fromage. Ça goûte le fromage. C'est vrai que ça goûte le fromage. Je continue mes recherches. Ouais, on va avoir le temps d'y penser, je pense. Mais pendant ce temps-là, j'ai aucune inspiration pour la musique, donc allons entendre King Gizzard et Lizard Wizard. Voici Altered Beast et on se retrouve après avec plus d'une grosse pointe en dresse. The dust settles, you can see a new world in place of where the old one had been. Your skin is crawling with dry, crusted mud, and your naked feet are wet in a pool of blood. A and the whistle of the wind in your ears is so loud that your memories have blown up in a mushroom cloud. And as your eyes become awake, there appears by the meadow a group like a bear with a long, dark shadow. And you violently shake over what you have seen as you remember the tale the altered fool. I think I see an altered beast by the tree. Lizard Wizard, oui, avec A New World, alors qu'on a toujours des croustilles Pringles dans la bouche. Tania, t'es allée sur notre ami Twitter pour trouver des suggestions. On cherche la saveur mystère des Pringles pour gagner 10 000 $. Eh bien, il y en a quelques-uns, dont Sarah Himry qui dit que c'est de la soupe poulet et nouilles. C'est ce qu'on a dit tantôt. Moi, j'avançais cette théorie-là, ça a du sens. C'est vrai. Par la suite, attends, laisse-moi retrouver... Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui disent que c'est un Philly cheesesteak. Oui. Chose que je ne crois pas nécessairement parce qu'il y a comme un petit goût de crème sûre. Ça goûte pas le steak du tout. Exactement. Il y en a beaucoup qui disent, dont Judy Falk, Mama's Chicken Soup, non. La soupe au poulet. Poulet inouïe, il n'y a pas de fromage dans la poulet inouïe, ça marche pas. C'est ça. Par la suite, il y en a plusieurs qui se sont interpellés sur la fameuse soupe à l'oignon française. C'est ce que j'ai dit. Apparemment qu'il y a une soupe à l'oignon qui est différente en France, je sais pas. Je sais pas. Mais elle goûte peut-être clairement. Pas la même chose. Il y en a qui disent que c'est les ramen au bœuf, dont G-Stew 15. Tu l'avais dit, celui-là, au début. Oui, en effet. Et on est arrivé avec une dernière. J'essaie de trouver le nom, malheureusement, mais là, je crois pas que je vais réussir à retrouver ce fameux nom-là. Est-ce que tu parles de la patate garnie? Exactement. Au four avec crème sure et échalote. Pour vrai, j'ai l'impression que je devrais changer mon vote pour ça parce que ça goûte vraiment ça. Ça goûte vraiment ça. Je l'ai retrouvé, c'est CV Ramen. qui dit Loaded Potato Skin. Puis Loaded Potato Skin dit que c'est des ramen, c'est ça? Moi je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Ça ressemble à ça, hein? Mais là, si tout le monde répond ça, le 10 000 piastres, là... Hein? Mais ça l'a comme pas encore été dit. On va savoir, en fait, le concours se termine, j'ai dit quoi tantôt, 31 décembre. 31 décembre, ça veut dire que c'est de longue haleine comme concours, là. Mais apparemment que là, on a l'indice... OK. An American and an Italian invested in the stock market. Un Américain et un Italien ont investi dans le marché boursier. Ouais. Ah, c'est ça aide qui, ça? Je sais pas. Je sais pas. Un Italien. Mais apparemment, ça devrait nous donner un indice sur la saveur. Fait que là, il faudrait aller sur Wikipédia, chercher l'origine de chaque plat qu'on a mentionné pour trouver qui était Américain et Italien là-dedans puis qui ont mis ça dans le marché boursier. Ou peut-être que c'est un jeu de mots. Peut-être. On sait pas. Je rappelle aussi que le point d'interrogation en arrière-plan sur la canne de Pringles... Il y a apparemment 5 indices qui se cachent là-dedans, dans un genre de mou mystère. Et pour vrai, j'en ai pas encore trouvé un, j'ai cherché. Là. Il y en a pas. Les mots sont vraiment drôlement placés là-dessus. Donc, essayez-les, puis dites-nous-le pas, parce que sinon, on va prendre votre réponse. Puis, Oui, c'est ça, on va vous voler le 10 000 $ 10 000 $ canadiens! Faites pas ça! merci, toi, Tania, pour le Twitter. Ah, écoute, ça fait plaisir. J'ai dit tantôt que c'était le moment de prendre une pause pour revenir plus tard en force avec les nouvelles de fast-food dans une grosse pointe d'adresse. Aujourd'hui. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. De retour à Assemblage Rocky pour la semaine du 14 août 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et on est de retour pour le bloc F de l'émission, le sixième bloc, le bloc Fast Food. Ouh là là. Et maintenant, on continue avec une deuxième portion. En fait, c'est le bloc de nouvelles de Fast Food. Voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est le bloc de nouvelles de fast-food où on va essayer d'apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe dans le monde du fast-food, mais pas juste au Canada. Pas nécessairement des choses qu'on peut se procurer. Mm-hmm. Malheureusement, des fois, on se fait des idées et on essaie de les imiter peut-être à la maison. Commençons par un petit article que je trouvais quand même cute. Sur 5 condiments qu'on est supposé réfrigérer et 3 qu'on ne devrait pas réfrigérer. Qu'est-ce que tu réfrigères dans les condiments, toi? Ma moutarde. Ouais. Ma mayo. Ben, évidemment, ouais. Et mon ketchup. Je pense qu'il y a pas mal tous les condiments, on les met au frigo, oui. Oui. Mais on n'est pas obligé de le faire et il y en a en fait qu'on ne devrait pas mettre au réfrigérateur. Donc, ce n'est pas tous les condiments qui devraient être au réfrigérateur pour avoir la plus longue durée de vie et la plus longue durée de saveur, en fait, d'ingrédients comme ketchup, sirop d'érable, sauce piquante. Donc, petite liste de référence, je vous fais ça en rafale. Les choses qu'on doit réfrigérer, le sirop d'érable, parce que oui, la moisissure évidemment peut pousser à l'intérieur de la bouteille si on la laisse sur le comptoir. La mayonnaise, tu l'as dit, c'est assez évident, c'est fait avec des œufs, là. Il faut garder ça au réfrigérateur. Ben, pas mal sûr. Les huiles à base de noix. Ah, les okay huiles comme le sésame, les arachides, qui ne sont pas raffinées et qui sont faites avec des noix, devraient être réfrigérées pour les empêcher de tourner. Truc de professionnel, les noix devraient aussi être réfrigérées pour maintenir la meilleure saveur. Ah! Je ne savais pas. Moi non plus. Le ketchup. Réfrigérer du ketchup, c'est un long débat. Là, les gens en parlent depuis très, très longtemps. Ah, du ketchup chaud, là, c'est dégueulasse. Ben oui, tout à fait. Ça arrête, moi seul. Dépendant de la sorte de ketchup. Donc, on dit que du ketchup ouvert devrait être, pourrait être gardé, en fait, dans le garde-manger jusqu'à un mois. Mais pour vrai, qui garde son ketchup juste un mois, là? La bouteille va durer pas mal plus longtemps. J'ai même qu'un pas mois de ketchup. Ah non? On parle de vrai ketchup, là. Heinz, évidemment, pas du ketchup. Oui, oui, mais j'ai pas de ketchup. Ouais. La moutarde, ça dépend. La moutarde de Dijon et la moutarde au réfort, donc horseradish, ouais, le radis de cheval, le réfort. Ça devrait être réfrigéré. Les autres, on peut les laisser dans le garde-manger si vous préférez l'avoir à température pièce. La moutarde jaune réfrigérée, ça va garder sa saveur plus longtemps. C'est ça. Mais ça ne contient pas d'ingrédients qui vont tourner, donc c'est non, pas c'est vrai. Si grave. C'est du vinaigre, je pense. Il me semble que oui. Ensuite, les choses à ne pas réfrigérer, en fait, on commence par la sauce soya. Ah oui? Pour vrai, tu sais, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais la sauce soya reste étable des restaurants. Oui. Ben, c'est parce que c'est fermenté, ça n'a pas besoin d'être réfrigéré du tout. Ah non, c'est vrai, t'as bien raison. Ma mère laisse sa sauce soya dans son armoire. Sa penderie. Non. Son garde-manger. Garde-manger. La sauce piquante, ensuite, les sauces qui sont basées à base de vinaigre, oui, ont une longue vie de tablette, ça peut durer jusqu'à 3 ans. Ça n'a pas besoin d'être réfrigéré du tout, donc la sauce piquante dans l'armoire. Et finalement, le miel. Oui. On le sait, le miel, ça se cristallise, ça devient tellement le fun, tellement bon à manger. C'est vrai, toi, tu manges du miel cristallisé. Oh, hein? C'est bon, j'aime tellement ça, pour vrai. J'adore le miel, mais pas cristallisé. Ah, essaye-le. Le miel à tartiner blanc, là. Ça, c'est vraiment excellent. Bref, c'est impossible à tartiner une fois rendu au frigidaire, au frigo. Oui, non, c'est sûr. Hein? Une fois cristallisé, donc gardez-le loin de la lumière du soleil, voilà. Donc c'est tout pour cet article-là, mais je trouvais ça vraiment bien grâce à Pop Sugar. Ensuite, un micro-ondes qu'on ne devrait pas appeler un micro-ondes, même si ça ressemble étrangement à un micro-ondes, ça s'appelle le Tovala. C'est un gadget qui a été lancé sur Kickstarter qui peut cuire, broil, comment on appelle ça? Griller. Moi, genre. Et mettre même à la vapeur votre nourriture, mais ce n'est pas un micro-ondes. Okay. Non, c'est fait pour fonctionner avec des plats pré-emballés et envoyé de la compagnie de Tovala, un peu comme des pods de café, hein. Mm-hmm. Des capsules, des dosettes. Je refuse de dire le mot dosette parce que ça me fait passer des médicaments. Fait que j'appelle ça des capsules. Oui. Bref, c'est fait pour fonctionner avec ces plats Tovala, comme peut-être un steak tofu, tournesol, boule de viande, de dinde, au curry ou curry, peu importe. Ouais. Donc, ça se présente à ta porte, comme n'importe quel autre abonnement. Et puis, les plats sont dans des emballages de métal. Okay. Tu scannes la boîte avec le Tovala, ce qui va démarrer, déclencher un cycle de cuisson. Donc, ça va faire toutes les étapes nécessaires. Bon, t'as l'air de mettre un TV dinner dans le micro-ondes, mais ce n'est pas ça. En fait, ça fait plus que ce qu'un micro-ondes ferait. Trois repas coûtent 36$. C'est pas si pire. US. OK. Ouais. Alors que trois repas pour deux personnes coûte 72$ par semaine. L'appareil, lui, coûte 400$ US. Oh! Et on peut voir le processus en vidéo sur assemblagerequis.com. On peut faire cuire ses propres repas aussi avec le Tovala. Bon, même s'ils disent que c'est pas ça un... Ça donne-tu une bonne portion ou... Ils disent une portion pour une personne. Je dirais une personne avec un appétit médium, moyen, pas mal. Donc, c'est y a une application iOS ou Android. L'appareil est clairement optimisé pour le repas fait par Tovala, mais on peut quand même se servir du four pour autre chose. Et ça dit que c'est un four intelligent, comme celui qui a été créé par d'autres compagnies, là, avec des pods de repas. Là, ouais. Ça existe depuis quand même quelques années. Mais bon, Tovala, leur site web, c'est tovala.com. Quel moment révolutionnaire au monde. Les TV dinners remplacés par des Tovala. Wow. Et ben. Ensuite, le Vatican. Oui. Ouais. OK. On parle de Dieu. Ben oui. Habituellement, on garde Dieu pour la chronique après le crime. C'est ça, exactement. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais Dieu ne peut pas transformer. Il ne peut pas se transformer lui-même en craquelin sans gluten. Non, en effet. L'Église catholique croit que Jésus peut tout faire dans le monde, dont se transformer en craquelin. Vous le savez, on parle d'hostie. Pour les gens qui vont à la messe. Exactement. Donc, le cardinal Robert Serra, à la demande du pape François, le Francis, François. François. On va l'appeler Pape Frank. Frankie boy. aurait envoyé une lettre condamnant l'utilisation d'hosties sans gluten pendant la cérémonie de l'Eucharistie, je pense. Hein? Mm-hmm. Bref, ça dit que l'Église encourage quand même les options sans gluten, ou à faible teneur en gluten, pardon, mais pas sans gluten. Donc, la lettre citait un document sur les normes de la célébration de l'Eucharistie par des gens qui, pour différentes raisons, que ce soit conviction ou peu importe, ne peuvent pas consommer de pain fait de la façon habituelle ou encore du vin fermenté de la méthode traditionnelle. Les hosties qui sont complètement sans gluten sont invalides pour la célébration de l'Eucharistie. J'aime le fait, pareil, que dans l'article, ils se sont assurés de dire que l'Église supporte quand même les gens qui mangent pas d'option gluten. C'est ça. Mais en fait, ils disent l'option faible en gluten. Ah! Partiellement sans gluten, c'est valide si ça contient assez de gluten pour obtenir la confection de l'hostie sans avoir à ajouter des matériaux étrangers, donc qui ne sont pas naturellement dans le pain. Ce serait donc sans l'utilisation de procédures qui changeraient la nature du pain en tant que tel. Donc voilà, c'est ça. Pour les gens qui ont une maladie quelconque, auto-immunitaire ou peu importe, qui cause des problèmes au petit intestin, qui souffrent lorsqu'ils mangent du gluten, ben Colin, allez voir d'autres religions. Hein? Je comprends pas pourquoi il s'appelle François, mais son nom de pape, c'est vraiment Pape Francis. Ouais, je sais. La langue française, des fois, c'est comme... qui d'autre qu'il y avait eu comme... Il était pas capable de dire Francis. Ah, c'est comme Benoît. Benoît, en anglais, c'était Bénédicte. C'est bizarre. C'est pas la même chose, ouais, je sais. C'est pour ça qu'on a de la misère, des fois, à traduire ces trucs-là. Mais si t'écris Pape François sur Internet, je te jure que ça sort lui. Mais ça sort que son nom, c'est Pope Francis. Ouais, parce qu'en anglais, on dit Francis. En français, on dit François. Eh hey boy. Je ne comprendrai jamais ces choses-là. C'est comme les noms de pays qui changent drastiquement d'une langue à l'autre. Là. Oui, exactement. Oubliez-vous, c'est comme ça. C'est comme, je suis désolée, tantôt j'ai dit Edinburgh. Edinburgh. Et pourtant c'est Edinburgh. Ouais, je t'avais déjà repris pour ça fait du sens, fait que je l'ai pas ambitionné. Ouais, c'est ça. Ensuite, correct. On parle d'un cocktail fabriqué de venin de tarentule. Ça s'appelle l'Aragog. Ça va faire que ta langue va devenir toute molle et ça va te causer des crampes dans la gorge. Ça s'appelle comment? Aragog. C'est drôle parce que dans Harry Potter, l'araignée s'appelle Aragog. C'est la raison même du nom du cocktail que j'ai prononcé parce que je savais pas que ça se prononçait pas avec le G à la fin. Mais Arago? Aragog. En anglais, c'est Aragog. Ouais, probablement que dans Harry Potter, c'est Aragog. Ouais, c'est Aragog. Tu vois, encore une différence de raison. Nom. Bon. Bref, c'est un cocktail développé par le chef mixologue du bar Luciferina à Mexico City, donc il s'appelle Romeo Palomares. C'est fait de mezcal mexicain, de pisco chilien, de cachaça brésilien, de jus de mangue, un peu de citron et du venin, 0,05% de venin de tarentule par 500 ml de cocktail. Donc, c'est ça, c'est... 0,05% de venin de tarentule. Ben voyons donc. Il a eu l'idée quand son patron lui a demandé de créer un cocktail qui allait impressionner les visiteurs du bar. Donc sa quête l'a amené dans un marché de sorcellerie à Sonora où une femme l'a mise au défi d'essayer une petite dose de venin de tarentule en lui assurant que ça allait vraiment pas déranger sa santé. Le Aragog, ou Arago, comme j'ai dit tantôt, va faire que ta langue va comme flipper un petit peu. Là. Tu vas comme flacoter de la langue. Et ta langue va aussi... Hey, écoute, capote pas, ta langue va flacoter. Flacote. Et aussi, tu vas devenir comme mou, là, manquer de ouais. sensation dans la langue. Et ça pourrait te donner... En fait, ça pourrait te donner. Ouais. C'est pas ça va... Ouais. Ça va faire une crampe dans ta gorge pendant 2 heures. Ben là, c'est donc ben pas le fun. T'as l'impression de mourir, finalement. Ça, pour juste 0,05% de venin. Et on sait même pas l'effet que ça va te faire, genre... À long terme. Ben, à long terme, oui. Et genre, comme l'alcool, tu sais, mettons, je sais que, tu sais... Ouais. Il y a du pisco, du mezcal, je sais pas quoi. Sous, en plus. Mais est-ce que le venin vient comme contrer ça ou ambitionner ça? Je sais pas, mais il y a comme une vidéo d'un gars qui le boit. Oui, de l'émission El Dominical. La vidéo s'appelle Exotico, cocktail et tarantula. Ça commence à faire effet après combien de temps, ce venin-là? Ça dit pas. T'as-tu juste... le temps de finir ton drink au moins? je sais pas. Bonne question, en effet. Est-ce que tu rajoutes en plus une petite tranche de citron pour donner un autre petit kick dans les joues? Ouais, c'est ça, tu sais, l'amertume. Ça arrête où, tu sais? Hein? C'est comme quand t'enlèves des statues d'hommes racistes aux États-Unis, ça arrête. Ben oui, ça arrête comme tout. Comme dirait Donald Trump. Hey, il prend combien de tarentules pour faire ses drinks? Penses-tu que c'est un drink bien populaire, tu sais? Oh boy! Hein. Comme, Mais là, il va avoir compétition avec l'autre gars qui faisait un cocktail avec des orteils de cadavre. Ça, c'est dégueulasse, ouais. Mélanger les deux ensemble, faites un mash-up cuisine fusion. C'est vrai. On attend rien que ça. Tantôt, t'avais de la classe quand t'as parlé de documentaire, n'est-ce pas? T'avais de je viens de voir ton prochain article. Mais t'avais pas autant de classe que cet adolescent. Vraiment classe, qui a pris ses photos de fin d'école secondaire. De balle, ouais. De balle, ouais, au Taco Bell. C'est merveilleux. Mais le gars, il a vraiment une belle gueule, là, il faut y ouais, dire. Ouais, il a une belle coupe de cheveux. C'est ça. De la classe. Donc, Andrew McBurney, qui vient de graduer à l'école Bradley Bourbonnais Community High School. Juste le nom de son école a l'air Bourbonnais. Vraiment... Ça a l'air fraîchi, là. C'est ça, Bradley Bourbonnais Community High School. Bref, avant d'aller accepter son diplôme, là, Buzz il de est... Riche. Oui, vraiment, c'est un preppy qu'on appelle un preppy. C'est sûr que oui. Bref, il a fait prendre ses photos par le photographe Wesley Taylor chez Taco Bell. Résultat, c'est super fancy. Ça donne fin pour le cheesy gordita crunch, comme on dit dans la. Mais t'imagines comme sa mère aimait quoi dans son cadre, sur son, sur son foyer? Ben... Comme lui avec le taco dans les mains, genre. Scrope juste en haut de sa main, c'est une belle photo quand même. C'est vrai, quoi que mes parents n'ont pas de photo de moi au bal. Hey, combien de temps ça prend, tu penses, pour se faire des beaux cheveux de main? Ça doit honnêtement lui prendre genre 30 secondes. Ah, bon, il doit avoir la coupe de cheveux qui va avec. Ah, c'est... Tu sais, celle qui fait une petite ligne. Une petite wave. Bref, assez parlé de coupe de cheveux de gars, là, je le trouve un petit peu bizarre. On retourne. En fait, je connais quelqu'un qui a exactement les mêmes cheveux que lui. Est-ce qu'il s'appelle Monsieur McBurney? Non. Non? McBrûlure à l'estomac? Ça serait drôle, hein? Dis donc son nom, hein? Non, Preppy McPrepperson. C'est ça, j'ai le pape François. Ah! On retourne au micro-ondes. On retourne à la cuisine avec Ricardo. LG Neo Chef qui ajoute un contrôle de précision à votre micro-ondes classique de cuisine. Donc, LG a amené récemment, le LG Neo Chef. C'est une ligne, en fait, de micro-ondes avec une nouvelle technologie d'inversion Wave Inverter, qu'on appelle. Donc, ça donne un courant variable pour personnaliser l'intensité du micro-ondes pour différents modes de cuisson. Donc, ça va varier entre 300 et 1200 watts. Tu sais, les micro-ondes, on dit des fois, bon, l'instruction de cuisson est basée sur micro-ondes à 10 000 watts. Oui. Pas 10 000. Oui, exactement. 10 000 watts, peu importe. Donc, ici, tu peux varier, tu peux y aller avec, bon, ça a 10 000 watts, tu mets ton micro-ondes à 1000 watts. C'est vraiment pratique. Tu c'est peux cool. Dégeler, cuire. Il y a un sensor d'humidité à l'intérieur qui peut être utilisé pour ajuster automatiquement le cycle de cuisson aux qualités de la nourriture en train d'être cuite. Donc, le Neo Chef a un extérieur facile à nettoyer, carousel heavy duty et des lumières LED. Ça coûte entre 129 et 219 $ basé sur la capacité du four et son wattage maximal. Bien sûr, c'est un gadget qui pourrait être utile pour pas mal tout le monde. Ensuite de ça, on va chez Subway qui pense qu'un kiosque pour commander, un peu comme chez McDonald's, va vous aider à oublier les dernières années qui n'étaient pas un énorme succès pour Subway. C'est pas, non, hein? Disons que Subway avec Jared Fogle derrière les barreaux et le fondateur et président Fred DeLuca qui est décédé mais en non, 2015. Mais non, t'es-tu sérieux, Jared? Il est en arrière. Oui. Comment ça? J'espère que c'est pas en photo souvent, c'est ça? Hein? Pas de gag. Pas de gag sur les 12 pouces, s'il vous plaît, Tania. Et encore une fois, c'est bon, oui? Parents de jeunes enfants, expliquez cette blague-là autrement. C'est-tu vrai? C'est-tu pour ça qu'il est en arrière des barreaux? À cause des... Ouais, des enfants, à cause ouais. Des tous... Ouais. Non. Oh. Je savais pas, je vais chercher. Ouais, s'il te plaît, cherche ça. Et éteins ton safe search si tu veux trouver quelque chose. Bref, après, on revient là, au sérieux. Fred DeLuca, leur fondateur, est mort il y a quelques années quand même. Et après avoir poussé beaucoup, Pornographie juvénile. Bref, ils ont eu beaucoup de succès, ils ont pris beaucoup d'ampleur, mais le nombre de franchises a commencé à redescendre récemment et les ventes aussi. Quelle est la solution? La technologie. Donc, chez Subway, on a fait plusieurs essais. On est passé de cartes de loyauté en papier carton à des bornes magnétiques. On se souvient tous d'avoir arrêté d'avoir des petites cartes et des petits coupons collants. Hein. Mm-hmm. Maintenant, Bloomberg nous dit que la chaîne essaie de se rattraper par rapport aux compétiteurs comme McDonald's et Chipotle en ajoutant des kiosques en magasin et la commande sur téléphone cellulaire et paiement par l'application. Donc, leur plus grand compétiteur à Subway, c'est Panera Bread aux États-Unis. On dit que les ventes ont augmenté après avoir changé le processus de commande en ajoutant les téléphones cellulaires, etc. etc. Aussi, avoir une place dédiée pour les ramassages de commandes. Les ventes de la chaîne ont augmenté. Donc, Subway se dit la même chose. Ils font beaucoup d'investissements là-dedans. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est chez Subway aux États-Unis pour l'instant. En plus, le service au table est revenu chez McDo. Hein. T'as vu? Il avait enlevé. Oui, c'est vrai. C'était un échec total, le service au table. Ouais. Ils l'avaient enlevé, ils l'ont remis. Et là, t'as le choix maintenant. Tu peux demander est-ce que tu veux te le faire livrer à la table ou est-ce que tu veux le prendre au comptoir. T'as le choix sur les heures de grande écoute. Ouais. Mais bon. Bref. Mais sinon, ça semble un peu complexe quand même. Ouais, quand même. On parle toujours de chez McDonald's maintenant avec les frites. À l'ail qui sont de retour, mais seulement à San Francisco. McDonald's continue d'agacer un petit peu les États-Unis en mettant devant notre nez des frites à l'ail. Miam, miam, miam. Donc, on dit que c'est de la vraie ail et non pas de la poudre d'ail. Ah, OK. Ouais. Ils ont retiré du marché. Maintenant, ils les ramènent, mais seulement à San Francisco. Le SF Gate rapporte que 250 restaurants McDonald's près de San Francisco ont encore une fois recommencé à servir des Gilroy Garlic Fries, nommés en l'honneur de la ville californienne de Gilroy, qui est la capitale de l'ail au monde. Imagine, t'es la ville capitale de l'ail. C'est ville fou, d'histoire hein? Et de culture, ville d'ail. Mais ça doit vraiment goûter l'ail, là. Ah, ça doit être bon. Si tu prends en considération combien ils mettent de sel ici, imagine combien ils mettent d'ail là-bas. Je me demande si ça remplace le sel ou ça ajoute. J'espère, parce que sinon, c'est terrible. Bref, donc, on prend les frites à l'ail de McDonald's, on rajoute une purée d'olive. Non, je recommence ça. De l'huile d'olive. D'ail, oui, c'est ça. D'ail, d'huile d'olive, du fromage parmesan, du persil et un petit peu de sel. Voilà, on a notre réponse. La compagnie en fait choisit non seulement le nom de Gilroy, mais aussi l'ail vient de Gilroy, environ à 80 miles de la côte de San Francisco. On dit que ça va probablement pas devenir national, mais McDonald's continue de mettre l'accent sur les ingrédients locaux. Ceux qui cherchent les frites Gilroy Garlic peuvent le faire, peuvent aller voir les informations en ligne, oui, sur assemblagerequis.com. Voilà. Ensuite, on parle d'un propriétaire au pluriel, oui, de restaurants qui ont été accusés, en fait, de plonger dans les des containers à vidange, là, oh, les gros bacs à déchets, pour trouver des têtes de... C'est quoi? C'est des... Des cerfs? Deer, c'est cerfs, hein? Je sens que oui. Toujours de la misère avec celle-là. Cerf comment on appelle ça? Orignal. Bref. Deer, je pense que c'est un cerf. Ça se peut. C'est sûr que je dis ça, puis ça va être un orignal. Probablement. Donc, c'est les anciens propriétaires de restaurants chinois en Pennsylvanie qui sont accusés d'avoir fait du commerce. C'est un cerf. On avait raison, Mathieu. Commerce illégal, en fait, de viande de cerf. Et apparemment que plusieurs têtes venaient, en fait, de poubelles de bouchers. Qui avait donc récupéré ça. Penlife.com nous dit qu'en 2015, le Game Commission de l'État a trouvé des centaines de livres de morceaux de cerf dans le restaurant, entre autres des têtes, des cerveaux et des bouts que la Game Commission n'a pas réussi à identifier comme ça, de prime abord. Le couple, propriétaire du restaurant, a l'ultime ont plaidé coupable. Donc ils ont payé une contravention. Ils sont plus propriétaires du restaurant maintenant, mais le restaurant reste quand même ouvert. C'est juste plus eux les propriétaires. En Pennsylvanie, les restaurants ont le droit de servir du venison. Est-ce que tu peux me chercher venison? V-E-N-I-S-O-N, je me souviens pas ce que c'est du tout. Mais seulement d'animaux qui sont, s'il te plaît, élevés dans des fermes commerciales. Les bouchers donc vont prendre les cerfs des chasseurs qui les ont tués. Ces chasseurs-là ne peuvent garder et manger que la viande eux-mêmes, ou sinon donner à d'autres. C'est illégal par contre d'acheter, de vendre ou d'échanger de la viande d'animaux sauvages. Est-ce que tu as trouvé un venison? C'est un venaison. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Tu m'as dit V-E-N-I-S-O-N? Ouais, j'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Moi non plus, je sais pas c'est quoi. Bref. Je vais faire une courte recherche pour savoir. Donc le couple a c'est nié... C'est un gibier. Gibier, ouais. Donc le couple a nié qu'ils planifiaient servir du gibier à leurs clients. Ils disaient qu'ils utilisaient les os obtenus de bouchers locaux pour fabriquer de la soupe pour leur propre repas. C'est des os qu'on met dans les soupes. Ouais, c'est dégoûtant. Ouais, la Game Commission dit qu'ils ont trouvé ces parties-là, ces morceaux de cerf dans les poubelles à l'extérieur de bouchers locaux et qu'ils avaient demandé la permission avant d'utiliser ces morceaux-là. Les anciens propriétaires du restaurant se sont fait accuser d'avoir vendu les articles venant de ces morceaux de cerf dans une vanne dans Chinatown à New York. La dame a plaidé coupable à ces accusations-là, a payé $2,250 de contravention, mais les accusations reliées au trafic de morceaux de cerf en Pennsylvanie n'ont pas encore été résolues. Wow, je vois vraiment le temps passer. Caroline, va falloir arrêter là. On n'a pas fait beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais que voulez-vous? Les autres collègues ont pris pas mal de place dans l'émission d'aujourd'hui. C'est vrai. On va terminer ça et ça va être en fait non seulement la fin de la chronique, mais Caroline, la fin de l'émission aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, déception totale, comme toujours. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Tania. Ça fait plaisir. L'émission d'aujourd'hui, c'était super le fun. Ça a passé vraiment vite et j'ai réussi à ne pas m'endormir au volant. Oh, c'est bien, parce que console. Tu conduis pas, tu sais. Non, c'est ça, c'est le volant de la... Ouais, je sais pas. Derrière les commandes de la contrôle... De la... Voyons, comment? Hein? Les commandes de la console! Oui, exactement. Focus, Mathieu, focus. Focus, regarde droit devant, là. C'est ça. Envoie un whiz avec ton klaxon. Donc, on retourne en direct toujours la semaine prochaine, les jeudis, entre 14h et 17h. Après nous, c'est Rock Révélé. En rappel, on repasse les samedis entre midi et 15h. Après nous, la reprise d'En Piste avec Tania Baudin. T'étais là cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, mais on a fait le retour sur le Grand Prix Trois-Rivières parce que extrêmement bel événement cette année. Mère Nature a été de notre côté, donc c'était merveilleux de ce côté-là. On a aussi parlé un petit peu de rumeurs de pilotes qu'on connaît quand même bien. Et on a fait un pas pire bloc électrique, vous allez voir. Ça doit être une grosse émission parce que t'avais pas d'émission pendant le Grand Prix, donc t'avais deux semaines de nouvelles à rattraper. Hein. Exactement. Allez, on repasse finalement les mercredis entre 11h et 14h. Après nous, une nouvelle édition d'En Piste avec Tania Baudin, donc tu nous réserves plein de surprises. C'est ça. Mercredi, moi je vais de retour à 15h, toujours le mercredi pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. On se quitte là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir tout le monde.